Le jingle. Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Quoi ça crie là ? Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Ça criait pas tout à l'heure. Ça enregistrait pas non plus. Non, je tiens mon anus. Et con entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. 10. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'apéro original. Ouais. Ouais. Comment vous allez les amis? Ça va bien et toi? Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça, et ça faisait un bout hein. Je vais tenter un truc. J'ai soif. Péremptoire sort de ce corps. Mais c'est crade ça. Ouais. Mais bon c'est l'apéro original aussi. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode de l'apéro original, cela je l'ai déjà dit. Où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? On se trouve à Limoges. Et qu'est-ce qu'on fait à Limoges? Bah, on enregistre un podcast. Porcelaine. On est venu rendre la visite la dentelle. À ceux qui nous accueillent aujourd'hui, qui sont à savoir, présentez-vous s'il vous plaît, arrêtez avec les pistaches. Hein. Nastiello. Nastiello, oui. Et Milou. Milou du... Du feu et me fait mi-cast. Non, comment je te dis le feu, ce sera plus tard. Voilà, vous l'aurez compris, on est revenu faire un petit coucou à ceux qui font le podcast et qui l'ont fait et qui vont le refaire encore. Ça, on bah, le ils sait. En font un, là. Ils en sont pas encore persuadés, mais nous, on le sait déjà, ils vont revenir. Voilà, donc vous l'aurez compris autour de la table, donc Nastiello, le Milou. À ma droite, j'ai Messire Gandalf 81. Bonjour. Encore plus à ma droite, j'ai Monsieur Asto. La bouche pleine. D'accord, ok. Les pistaches. À ma gauche, j'ai Azertov. Coucou, c'est moi. Pépé est sorti de son corps et en plus, il a la bouche pleine. Voilà, péremptoire. Ça commence bien. Péremptoire n'est pas avec nous physiquement, mais il est dans nos pensées. Et dans nos culs. Non, pardon. Non, ça, c'est Georges. Et votre serviteur, Toche. Et d'ailleurs, en parlant de Georges, un petit coucou à Revan, notre coucou. Tipeuse. Oui, notre. Oui, voilà, oui, c'est pas que la mienne, non, je vous rassure. Alors, les petits rappels d'usage. La diffusion sur Pod Radio, et on n'a toujours pas les canaux, si j'ai bien compris. La grille est foutue, donc Tout est foutu, c'est le bordel, hein, c'est la collapsologie, tout s'effondre. Pas de quoi tu parles. Non. Pour nous expliquer quelque chose que vous ne connaîtrez probablement jamais. Démerdez-vous. Je vais faire du Gandalf 81 dans Up to Eleven, et si vous voulez savoir, cherchez, démerdez-vous. Voilà. On vous a filé des refs, démerdez-vous. Voilà. Vous aviez qu'à être là en live. Ah, j'ai ma tablette qui s'éteint. La suite du conducteur, de toute façon, ça devait être la petite promo pour l'événement du podcast annuel en Bretagne. C'est Podren, les 11 et 12 avril 2020. Yep. Week-end de Pâques. Week-end de Pâques, toujours dans la... Alors, j'allais dire toujours dans la nouvelle salle. Non, du coup, elle ne sera plus nouvelle. Dans la même salle que la nouvelle. La même salle que la nouvelle, voilà. Donc, qui est rue d'Espagne, si je me souviens bien. C'est rue d'Espagne, Carrefour 18. Enfin, le nom de la salle, c'est Carrefour 18. Enfin, si vous y avez jamais été, c'est le moment d'y aller. De toute façon, c'est une salle que vous connaissez. Pas. Ouais, donc, ce sera une nouvelle salle pour vous. C'est ça. Voilà. Donc, spoiler, elle est cool. Oui. That is vrai. Et il faudra venir le Milou l'année prochaine. Pas que. J'essaierai la nouvelle salle. Voilà. Compliqué. C'est pas que le Milou, c'est vous. Donc, toutes les infos sur podren.fr, c'est ça, c'est hébergé sur le site de Bad Geek, je crois, de toute façon, toutes ces infos. Tapez podren.fr. Tapez podren.fr. Pensez à vous inscrire si vous souhaitez venir. C'est juste pour des questions de logistique. Ouais. C'est plus simple pour toute l'équipe. Parce que c'est gratuit et il y a de la bouffe en plus. Voilà. C'est vrai, on l'a pas dit. Merci pour eux. Et on a toujours le code promo Beemaker qui vous donne une réduction de moins 15% sur le site avec le code APERO ORIGINAL, APEROORIGINALE. Et profitez-en, n'hésitez pas. Alors du coup, ce qu'on fait jamais, mais c'est quoi Beemaker ? Beemaker, c'est vente de kits de bière à faire soi-même, donc un site en ligne. Dont on parle assez régulièrement dans le Focal, hein, pour pas se faire de pub au passage. Coucou Loli. C'est tellement plein de références, ces podcasts, c'est bien la bienveillance. Hein. Voilà, moi j'aime ça. Beemaker, donc très bon site, un des plus faciles à faire, ouais, à produire. C'est vraiment, enfin, je le parle de ma propre expérience, c'est des kits d'entrée de gamme pour faire de la bière et l'approche de la brassicole, en fait. Tout est simplifié au maximum. Ouais. Voilà, le kit est tout petit, doit faire 25 cm de haut par 15 de large et de profondeur. Dépend du modèle. C'est un petit tonnelet qui vous permet de faire 5 litres de liquide et retirer à peu près 3,5 litres de bière. Ouais, c'est ça, ouais. Hein, on doit être dans ces eaux-là. C'est 3 bouteilles de 75. Ouais, je fais 3 litres. Hein. Ouais, donc ça doit être 3 litres. Non, 3 fois 75, fait pas 3 litres, mais vous avez compris l'idée. Et avec la possibilité d'acheter des recharges, de varier les goûts et de réutiliser son matériel. Pensez au désinfectant. C'est l'ennemi numéro un de la bière artisanale, la bactérie, donc enfin la mauvaise bactérie. Donc pensez à acheter des kits de désinfectant aussi, voilà. Mais je vous le conseille. Je vous le conseille si vous connaissez pas, si vous voulez essayer par curiosité, allez-y. De notre part, hein, voilà. Le programme du jour. Allez, c'est toi parti. Qui fais le conducteur. Donc... On aura l'habituel c'est bien houblon, c'est ça ? Si je ne me trompe pas. Donc le petit tour de table avec les invités pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va se mettre dans le cornet pendant l'enregistrement. Ben rien. Ah bah si, enfin du Coca-Cola. Il reste du Coca-Cola. Il reste du Coca-Cola, ouais. Il reste du Coca aussi. Mais sinon, il y a du whisky si tu veux. Il doit y avoir du rhum. Non, mais c'est un peu tôt pour attaquer ce genre d'alcool quand même. Tôt, bah, tu sais pas à quelle heure l'auditeur écoute. Hein. Oui. C'est vrai. Mais c'est un peu tôt pour moi alors. Ah d'accord, voilà. C'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter, ouais. C'est l'heure du goûter. Une fois qu'on aura fait ce tour de table et qu'on saura le menu des réjouissances, on aura un dossier de Gandalf qui s'intitule « C'est pas Finlande, c'est Groland ». C'est Groland. Voilà. Ensuite, la rubrique « La terre entière nous envie ». Oh, dont Pépé. Et dont Pépé, hein, qui est le plus grand fan de cette rubrique, c'est la question aux invités. Oh non. Un petit quiz ensuite de Azertov qui s'intitule « Avez-vous déjà vu ?» Oui. Et je vous interdis de trouver une rime avec ça. Et on finira par une musique choisie par mes soins que je vous laisserai découvrir à la fin. Ben on va commencer par le petit tour pour voir ce qu'on va se mettre dans... Dans le cornet ? Dans le cornet ? Allez, okay. C'est parti. Allez, c'est parti. Pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais... Goûter ! On va goûter ! Pouah ! Allez, folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! Ah, j'ai froid ! J'ai soif ! Allez, non, vous fuyez, les gars ! Le code, il marche plus. Ah, ah c'est fini ? Bah oui, tu veux que je le repasse ? Non, allez ! Non, je me suis fait surprendre. Et pour démarrer la présentation, quoi, qu'est-ce que c'est ? Fait surprendre. Non, je me suis fait surprendre. Et du coup, est-ce qu'on va aller voir les filles ou pas ? Il y a des filles à Limoges ou pas du tout ? Il y en a. Donc, je crois que vous allez parler de la gare. Donc, voilà. Me dit que du côté de la gare, nous avons une des plus belles gares d'Europe, quand même. Et si vous faites quelques pas en dehors de cette magnifique gare, vous pouvez trouver sur le Champ de Juillet tout ce dont vous rêvez. Ouais. Vous avez besoin. Voire même ce que. Vous rêvez pas. Ce que vous n'avez pas imaginé, je pense. Moitié-moitié ? Non. Moitié-moitié, c'est ça. J'ai comme une impression déjà vue. Vertical ou horizontal ? Horizontal, horizontal. Allez, c'est bien. Il y a des gender swap aussi. Je ne connais pas ça, c'est quoi ? Ah, ben à Toulouse, du côté du canal du Midi, selon de quel côté t'es du canal, il y a des messieurs, mais qui sont déguisés en madame. Ah oui, alors il doit y avoir ça, oui, voilà. Aussi. C'est pas banal. Allez, pour démarrer cet épisode, on va passer la main à monsieur Lemilou qui va nous présenter qui va atterrir déjà et qui va nous présenter ce qu'il va boire. Alors, ce que je vais boire, c'est une bière. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. C'est une toux blanche. Toux blanche en plus. Voilà. Ça sent l'angine. voilà, c'est. C'est mal déjà. Ou quelque chose qui est passé de travers. Pour une bière blanche, elle fait quand même 5,4. En général, les blanches sont un petit peu plus faibles que les autres. Non, le premier qui fait une blague sur les noirs, c'est ce que je défense. Les blanches sont plus faibles. Qu'est-ce que c'est que ce racisme? J'avais... En taux d'alcoolémie. Ah ouais. Alors, comment ça marche? L'autre qui découvre comment on utilise un décapsuleur, je rêve. Mais moi, je sais pas, moi. J'ai pas l'habitude. Bon, on en fout partout. Pas l'habitude. Tiens, Gandalf. Ah, ben, merci beaucoup, Joule. Un peut-être, non? Non, il va s'en sortir, il va s'en sortir. Alors moi, aujourd'hui, on rigole plus. Ah. Je pense que j'ai gagné le titre du game, du nom. Cette fois, je vais boire une... Plutonium. Et c'est une... Plutonium. L'orange milkshake et double hippie hair. Hein. Elle fait 7,5 d'alcoolémie. Et c'est chez Dogma Brewing qu'on trouve en exclusivité. Chez des magasins pas de nez. Commence par V et qui finissent par B. Voilà. Ça commence par un VN et ça finit par un V. Donc c'est pareil. Donc voilà, je vais décapsuler ça. Donc c'est une orange milkshake double IPA. Donc c'est censé avoir de la saveur. Trop de trucs sur la table, je sais plus comment faire. Ouais, c'est galère. Hein. Faut un peu, la table est petite aussi comparée à ce qu'on a d'habitude. C'est plus concentré. Est foutu partout. Et je fais passer le décap comme d'habitude, quoi. Ah, Zertoff. Merci. Je me sers. Pas trop fort, s'il te plaît. Moi, j'ai fait du local et j'ai une. Non, mais si. Oui, c'est brasserie brassée en Limousin. Donc, c'est la brasserie La Bergère. Et c'est une bière dorée. Enfin, ça s'appelle la bière dorée. Ouh là là. C'est prometteur, moi. Donc c'est une 6-5 et Sigourney Weaver, bien entendu, n'a pas le droit de l'avoir. Et on va se sourire ça tout de suite. Ça hume bon. Ça sent bon. Si certaines veulent sentir, voire goûter. Ça sent l'orange. Mais regarde, sans celle-là aussi. On parle de bière. Heureusement que vous n'avez pas la vidéo. Sans moi ça. Sans la moi, après je me la tiens. Ouais. Ils jouent au doigt qui pue. Ils font le jeu du doigt qui pue. J'hésite. Sans, c'est mon cul. T'as pas de bière, mais tu bois quoi toi pour cette session? Je ne sais pas du tout. De l'eau pour le moment. Alors, de l'eau. Trop tôt pour boire autre chose. Trop tôt pour boire autre trop chose. Trop tôt pour voilà, boire de l'eau, hein. Trop trop. Du coup, il y a ce qui reste Asto. Donc pour Asto. Bon ben j'allais dire CF les peut-être précédents. Oubliez ce que j'ai dit. Oubliez ce que j'ai pas dit. Oubliez ce que j'ai failli dire et que finalement je l'ai dit. J'y vais. Puisque je vais ouvrir une Miss Molly de la brasserie Tocalmato, donc une brasserie italiano. Qui fait des petites bières un peu sour, un peu sympathiques. Et là, donc, ils ont sorti une sour IPA aux fruits de la passion. Ouais. Fruits de la passion. Et qui est, il me semble, vachement bonne. Ah bon, tu l'as déjà goûté? Ouais. Mais bien fraîche, par contre. Enfin, faut la goûter bien fraîche. Je vais peut-être y arriver à la décapsuler. Hein. Je suis pas sûr, mais je vais peut-être y arriver. Je déteste les gens qui s'y prennent comme des manches. Allez, tiens. Je vois pas que tu parles. Montre-moi comment il faut faire. Montre-moi ton côté déjà, sombre. Je vais te montrer ce qu'on va boire. Ah. Chez moi, c'est une bière qui vient de The White Hag, The Irish Brewing Company, qui s'appelle The Pooka. Donc, The Pooka, c'est le nom qu'on donne à un fantôme dans le folklore celtique. C'est une Berliner Weiss qui a une robe pamplemousse. Donc, c'est une lemon sour. Ils assimilent ça à une lemon sour, voilà. Elle est titrée à 3,6. Ça vient d'une brasserie irlandaise. Et après, je n'ai pas d'autres indications. Oui, c'est que Sigourney Weaver, il n'y a pas le droit. Il n'y a pas de contre-indication pour la touche mobile, donc on peut continuer à rouler bourré. Écoutez, on va s'ouvrir ça tout de suite. Et puis après, on va faire chin-chin et puis on va tous goûter ça. Dafelou. Mmh. Ouais. Pour un euro de plus, vous avez un Tipeee. Et moi, je l'ai ouvert du premier coup, ma bière. Monsieur. Voilà. Et pourquoi si Gourney Weaver, elle n'a pas le droit à chaque fois à la bière? Parce que sur la, elle a un petit polichinelle dans le tournoi. Dans le d'accord. dans le tournoi À Jimé. Oh, c'est bien. Hey, c'est pas comme si. Il pompe. Je pense qu'on est vachement bourré quand même. Non, bah non. On a... bah pour un premier numéro, oui. Franchement, pour un premier numéro, je trouve c'était que vous bien êtes bien ce midi, là. Hein. Bah, ouais. On a bien arrosé ça, le. Ouais, ouais, ouais. Santé. Mais pas des pieds. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je vous sers? La bite, mais pas trop fort. N'allez voilà. pas trop loin non plus. J'ai tout mis, j'ai rien gardé. Bah, allô, ça compte, allez. J'arrive quand même à faire du bruit avec. Moi, je me mets à disposition, faut que je règle un détail de logistique. J'ai cherché le jeune là-bas, mais il ne va pas croiser, voilà. Et mon toucheux. Et voilà, sans effet. Et on a Cobal sur le chat. Coucou Cobal, comment ça va aujourd'hui? Et bah, elle est toujours aussi bonne, celle-là. C'est la première La bière, hein. Allez, mon petit Gandalf, je te laisse prendre une bonne gorgée, une bonne lampée, te faire la langue. Hein, t'aimes ça, te faire la langue. Goûte à ma thé. Goûte à ta thé. Voilà. Et pendant ce temps-là, je te laisse te mettre en place pour C'est pas Finlande, c'est Groland. C'est pas Finlande, c'est Groland. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Pas du tout. Mais bon, on sait jamais, faut tester hein, dans la vie. Ça va tourner autour du trou de balle aujourd'hui, bah, pas du tout. C'est un programme. Bah, c'est pas un vrai dossier avec Groland alors, oui. C'est pas Finlande, c'est Groland. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de Groland. Mon document, ce sera mieux. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Groland, qu'est-ce que c'est? C'est une principauté. C'est la principauté du Groland. C'est un pays fictif, malheureusement, imaginé en 1992 par l'équipe de Jules-Édouard Moustique pour les besoins de diverses émissions d'humour et de divertissement de la chaîne de télévision française Canal+. Et sur quel format, enfin, dans quelle émission ça a commencé? Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, non? Tout à fait, nulle part ailleurs. C'était là où on voyait... Tous les bons trucs ont commencé sur Nulle part ailleurs. C'est ça. Ouais, et même, ils sont même disponibles nulle part ailleurs. j'ai ri, mais intérieurement. Intérieurement, Tom. C'est ça. Et j'ai ri intérieurement. Alors, la langue du Groland, c'est le français, donc c'est un pays francophone. Et c'est forcément un pays parodique alors de la France, mais d'après vous, de quel autre pays aussi c'est un petit peu parodique? Belgique. La Suisse. Des pays légèrement plus petits. Monaco. Luxembourg. Liechtenstein. Andorre. La Corse. Alors, Monaco. Asto, Anadia déjà. Ouais, c'est Andorre. L'Andorre et... La Corse. On a beaucoup d'argent. La Bretagne. La Suisse. Mais Monaco. Mais le Luxembourg, voilà, ça, je l'ai dit, Monaco. Ah ouais. Tout à non, mais tu te fous de ma gueule, on est deux à l'avoir dit avant, ah ben, Monaco. Ah bon, ben, il n'écoute rien. Non, surtout que moi, c'est la deuxième fois que je le dis, Monaco. Ah merde, j'ai pas tenu du tout, en fait. Mais Azertov l'a dit avant, je l'ai dit aussi avant. Tu veux pas retirer la bite que t'as dans l'oreille? Je pense que ça ira mieux. Ah, il est... Oh, putain, je voulais la faire et j'ai pas osé, tu vois. Vas-y, enchaîne, allez, tu voulais. En fait, c'est parce que... Donc, Jules-Édouard Moustique a, à l'époque, travaillé pour Radio Andorre et pour Radio Monaco, tout simplement. D'accord. Donc, ce n'est pas qu'une inspiration française, mais c'est quand même le sujet qui inspire le plus. Est-ce que vous connaissez aussi les slogans du Groland? Ce n'est pas que de la télé. Non, ça, c'est autre chose. Non, pas du tout. Non, je t'avoue que... Enfin, en tout cas, je ne les ai pas en tête. Enfin, je ne sais pas si c'était un slogan, mais il lançait son journal en disant « L'actualité, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. » Oui, c'est vrai, il y avait ça, c'était le 20 juin. C'est vous qui la faisiez, c'est nous qui en vivons, non? C'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons. C'est vous qui... C'est ça, c'est vous qui... En fait, il y en avait un, c'est « Viendez au Groland ». Ah, ouais. D'accord. « Viendez au Groland », ça, c'était pour faire venir les gens. Mmh. Et après, on a la vraie devise groenlandaise, main sur le cœur. Oui. Devinez-la. Enfin, devinez si vous ne la savez pas. Tu me rappelles plus. Groland, je mourirai pour toi. C'est ce qu'il y avait écrit sur un bus quand c'était ce qu'il y avait écrit sur les pupitres de notre ami président Christophe Salingros. Notre cher président. Regretté président à vie. Qui est décédé. Ouais, c'est ça, maintenant il est président à vie, même décédé. Oui. Parce que est-ce que vous savez les modalités de scrutin aussi au Groland? Non. Alors c'est légèrement particulier, tout le monde peut se présenter, mais il n'y a que le président sortant qui peut voter en fait. Ah, c'est ça, c'est original, hein. C'est pas mal. Ouais. Ah bah ça évite l'équiproquo. Hein. Ouais, ouais. Et alors... Comme quoi, Poutine n'a rien inventé en fait. C'est ça. Et exactement. On a Pépé sur le chat qui dit, de toute façon, je dois aller boire une bière. Ah, ah. Au Fox, bien évidemment. Vous savez, est-ce que vous savez, donc ça vous le saviez, je pense, qu'il possède son propre drapeau, le Groland, ses propres plaques d'immatriculation, pardon, ses propres passeports qu'on pouvait se fournir il y a quelques temps déjà. Oui. On pouvait avoir les cartes d'identité et les noms des villes, il y en a des 100 et des 1000. On a par exemple Grosville, pour la capitale, ou Mufflin. Mufflin. Mmh. Ah, Mufflin. Oui, Mufflin. Oui. Alors, il y a 6 régions au Groland. Nous avons le Groland du haut. Mmh. Le Groland du bas. Du bas pour le sud, le Groland de gauche, de la gauche, de côté, d'accord. Et le Groland de l'autre côté. De l'autre côté. Et nous avons là où il y a la capitale, le Groland du milieu. Nous avons aussi la côte carte. La côte carte. Alors la côte, comme une côte. Ouais. Carte. Carte vermeille. Carte. Carte grise. Carte orange. Carte bleue. La côte carte bleue, ça c'est plus récent comme invention. Et après nous avons aussi une région d'outre-mer, c'est les îles Koufoué. Les îles Koufoué. C'est là qu'on retrouve les Japonais, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, avec l'immigration samoane. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et à noter que je vous ai ramené, d'ailleurs pour vous illustrer tout ce propos, je vous ai ramené l'almanach 2012 de Groland. Merde. Et vous pouvez voir, alors c'est sûr qu'à l'audio c'est moins cool, que par exemple, le Groland est voisin de la France, de la Corée, de l'Inde, de l'US, des USA, du Japon, du Burkina Faso, de la Serbie, etc. etc. Même de Vénézi. De l'Arctique. Et c'est même à côté d'Angoulême. Ah, d'accord. Donc, je vous laisserai regarder ça. Et de l'ex-URSS aussi. Est-ce qu'il y a marqué la brasserie, la débauche, là, tant qu'à faire? Oh, je pense pas. Je sais pas, on parlait d'Angoulême, donc... Oh, tant qu'à faire. Non, malheureusement, ce n'est pas écrit, mais je vous laisserai après le feuilleté, si vous voulez déjà commencer. Allez-y. Les pages sont pas collées, c'est bon? Non. Et d'ailleurs, en parlant de parges collées, quel est le sport principal du Groland? La natation. Est-ce que ça se joue à plus de 7 mètres? Si t'es ambitieux, ouais, c'est possible. Si t'es ambitieux, ça se joue à plus de 7 mètres. Ouais, le craché de noyau de cerise. Y a-tu craché, mais c'est pas celui-là. D'accord. Du lance. J'allais dire du craché d'espadrille, mais non, du coup, ça marche pas. Ou alors, faut avoir une grande bouche. Non, je sais pas, vas-y, je te laisse le plaisir de nous... En fait, c'est la branlette nature. Voilà. En fait, c'est avec sport ou sans sel. C'est le sport national au Groland, donc on va dans les champs... Avec du beurre salé. Ouais, avec pour s'astiquer la mimole. La mimole. La mimolette. La mimolette. Non, la mimole. La mimole. Je fais que dire. Et c'est donc voilà, le sport number one au Groland. Après, nous avons des personnalités grolandaises que certains... peut-être d'entre vous connaissent, donc je l'ai cité tout à l'heure, nous avons Jules-Édouard Moustic, qui présentait l'émission jusqu'en 2018. Nous avons aussi Michael Kull, et nous avons eu aussi un film, Michael Kull contre le reste du monde, qui est Tout à fait, d'ailleurs, mais voilà, c'est un film qui était sorti à l'époque. Gustave de Kerverne, c'est à vous mon bon, c'est comme ça qu'il était introduit dans l'émission. Et puis nous avons aussi un autre journaliste qui est très connu. Il est un petit peu facho, dirons-nous. Michael Kuhn, Francis Kuhn pour CNN International. Voilà. Nous avions aussi Frankie Key. Ah oui, je me rappelle de Frankie Key. Frankie Key, c'est celui, alors pour ceux qui ne voient pas, c'est celui qui joue le surveillant dans Soda. Aussi. Soda. Ah, mais je regarde pas Soda. Sodo. Et ben à noter qu'il avait fait une parodie de Groland avec les vrais acteurs de Soda qui s'appelait Sodo et qui était passé dans l'émission. Mais Soda, c'est quoi? Ah, Soda, c'était l'espèce de... C'est ce qui a révélé Kev Adams, non? Ouais, c'était une série sur W9 avec... Attends, Kev Adams, c'est qui? Parce que... celui qui a révélé Kev Adams, excusez-moi... Il était un humoriste, je crois que c'est pas beau. Oui, voilà, non, c'est ça. Celui qui a fait Aladdin. Et Aladdin 2. Et Aladdin 2. Et qui a fait un spectacle avec Gad Elmaleh. Ah, d'accord, celui qui a une permanente de caniche sur la tête. Oui, exactement, celui qui s'est coiffé avec un pétard tous les matins. D'accord, très bien. Ok. Et après Frankie Key, il nous reste bien évidemment un journaliste emblématique du Groland que jamais personne n'a vu. Ah, dont on connaît que le nom alors du coup. Dont on connaît que le nom, et le nom est fort connu, et surtout ses expressions le sont encore plus. Non. Jean-Michel Lapétois. Je vais vous faire une de ses sa phrase emblématique, et là, c'est le drame. C'est Vincent Marronnier. D'accord. Vincent Marronnier. Et il est cité dans... Ah ben, Vincent Marronnier, ouais. Oui. D'accord. C'est un vrai... de son vrai nom, Joël Ponce, d'ailleurs, qui a cofondé la radio Le Move, d'ailleurs, à l'époque. Mm. Et c'est... pareil, il est parti en 2018, lui aussi. Ben, la plupart des sujets du Groland n'étaient pas doublés par lui, mais les sujets emblématiques était doublée. Oui, c'était la voix off, en c'était fait. La voix c'est off, ça, ouais. C'est ça. Cette voix off très connue, d'ailleurs, que vous allez entendre juste après, parce que je vous ai sélectionné quelques morceaux. Alors, peut-être que certains d'entre vous se rappellent de certains... comment ça s'appelle ? Sketch de Groland. Ah, il y en a un qui est phénoménal avec... Dans le micro. Eh bien, il est là, le micro. Non, ça, c'est ta bite. Hop, pardon. D'ailleurs, tu devrais consulter. Quand on a le bout noir comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Sur le où il interview où il y a une interview de d'un voyant. Ah oui. Où il se prend une baffe mémorable. Tu l'as pas vu venir. Tu l'as pas vu venir celle-là. Ah, il y en a plein. Il y avait eu le. Moi, je m'en rappelle de Francis Kunz qui joue aussi un espèce de promoteur immobilier. Qui ce sketch dure assez longtemps. Il dure, je crois. Une dizaine de minutes, mais moi je m'étais vraiment fendu la gueule. Après, on a vu aussi le sketch qu'ils avaient fait quand ils avaient voulu parler de l'augmentation des loyers à Paris, et que c'était de plus en plus compliqué d'acquérir un bien, tu vois. Mmh. Et donc, en fait, on voyait que le proprio faisait une fouille anale au mec, et puis après, on voit qu'il sautait la femme derrière, et puis on les voit sortir de l'appartement dépité, et puis le mec il fait bah ouais, en fait. Ils étaient en train de tester pour voir si elle faisait du bruit et elle a gueulé quand il lui a mordi le clitoris. Très bien. Donc, bah, l'humour grolandais. Oui, oui. Ouais, encule un mouton. Encule un mouton, voilà l'un des sketchs pour Alain de Greffe. Alain de Greffe, c'est ça. Non, je tiens sous quatre. C'est ça, qui avait pris d'ailleurs plus d'importance avec là les guignols de l'info. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et après, on avait eu aussi des sketchs, moi, que je me rappelle, emblématiques, comme la parodie de Dieudonné aussi. Ils avaient fait, à une époque, où en fait, ils recevaient, bizarrement, ils donnaient un prix à un espèce de Robert Fourisson. Je vois pas de quoi il parlait, mais c'était un peu bizarre. Il y avait un sorte de président du Front Plat aussi. Je vois pas de quoi il parlait, mais bon, bref. Et il y a eu beaucoup de... Alors, aujourd'hui, j'essaie de vous faire une sorte d'état des lieux de choses un peu plus anciennes. Et de choses aussi beaucoup plus récentes, parce que ça tourne encore, Groland, malgré tout. Au moment où nous enregistrons, il y a le dernier épisode de la saison qui va être diffusé, mais visiblement, ça continue encore. Et alors, encore eh et encore. C'est que le début. Oui, et c'est que le début. D'accord, d'accord. Alors, ah, il y a du level. Alors, en fait, si vous voulez, ça va être assez simple. Je vais vous poser des questions, et des fois, je ne vais pas forcément vous donner la réponse tout de suite. Ah bah, c'est gentil de nous prévenir. Alors, il y a des fois, tu vas poser des questions, et nous, on va peut-être pas répondre. Voilà, c'est ça. Donc, on fait non quoi on boit un coup, on se casse, on va fumer une clope, je sais pas, on va au pute. Non, en fait, il y aura deux solutions. Soit je réponds à côté de la gare. Ouais, voilà. Non, ça, c'est les filles, c'est pas les putes. Ah oui, attends, non, c'est pas pareil. Comment ça, c'est les mêmes. Toujours bien accueillir quelqu'un quand il descend de la gare. Soit je vous répondrai de suite. Soit l'année prochaine. Non, d'accord. Soit okay. Après. Alors, soit c'est réponse de suite, sketch. Ouais. Soit c'est sketch et la réponse sera dans le sketch bien. J'ai rien compris. Mais vas-y, enchaîne. Je vais vous demander par exemple les jours de la semaine de Groslandais. Oh, il y a Drodi, Gros Manche. Ah, c'est très bien. Alors, ouais. le lundi déjà. Je sais pas. Lundi. Lundi. Lundi. Ouais. Mordi. Mordi, très bien. Credi. Credi. Drodi. Non, c'est. Joudi. Drodi. Drodi. Sadi. Sadi. Sadi. Et Gros Manche. Et quelle est la. Oui, si, Gros Manche. Ouais, et Gros Manche. Et quel est le slogan du Gros Manche ? On fait tout comme des Gros Manches, non ? C'est pas loin, c'est Gros Manche, nous on fait rien comme des Gros Manches. Oui, voilà, c'est ça. Et là. C'est le drame, non ? Sketch numéro 1. Ils étaient près de 1 million à défiler cet après-midi dans les rues de Grosville pour réclamer l'ouverture des magasins de bricolage Le Gros Manche. Parmi les manifestants, de nombreux pères de famille. C'est inadmissible de ne pas pouvoir acheter ces vis cruciformes Le Gros Manche, mais où allons-nous ? Et des retraités. C'est la première fois que je manifeste. Le bricolage est inscrit dans les droits de l'homme grolandais. Ouais Gros Manche, j'avais prévu d'aller acheter une meuleuse. Comment que je fais maintenant ? La manifestation s'est déroulée dans le calme de la place Robert Chapat jusqu'à la place Zapimax. Mais vers 18h, les esprits se sont échauffés. Certains bricoleurs sont sortis de leur gonds. On veut bricoler, vous comprenez ? On veut bricoler ! C'est simple, si Gros Manche peut pas acheter du Sikaflex ou de la peau de chamois, moi je réponds plus de rien. La manifestation s'est ensuite dispersée. Le lendemain, des organisateurs de la manif, Bruno Topix, du mouvement JVMMELG, Je veux monter mes étagères Le Gros Manche, s'est excusé pour les débordements. Bah, avec les gars, on va leur réparer tout ça. Gros Manche prochain. Si les magasins sont ouverts. voilà, pour ceux qui ont été attentifs, la voix que vous venez d'entendre, la voix off, c'est Vincent Maroni. Donc voilà, donc vous avez compris qu'au Groland, le travail de dimanche, ce n'est pas encore ça. Alors, ça c'est une réponse facile. Voilà. C'est la population principale du Groland. Les vieux. Tout à fait, c'est les vieux. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a un jeune ou deux jeunes qui naissent par an. D'ailleurs, ils sont obligés d'aller, comment ça s'appelle, au... Pute. Non, en fait, ils sont obligés d'aller au... comment ça s'appelle, au salon de l'agriculture pour accoucher, parce qu'en fait il y a des gens spécialisés pour les accouchages d'animaux qui peuvent gérer ces gens-là, parce que toutes les maternités du Groland ont fermé. En fait, c'est un petit peu sordide, mais c'est comme ça au Groland. Et donc nous allons écouter le sketch numéro 2. Palombier, tout le monde descend avec ses pieds. C'est par ces mots qu'est accueilli le visiteur à la gare de Palombier, petit village de la vallée des Fenus. Palombier est comme un gâteau sur lequel une truie aurait fait son nid, écrivait Léon Pintu, le célèbre poète jumeau. Pourtant, à Palombier, la population n'est pas tranquille. Ah non, on n'est pas tranquille. En fait, on a peur à Palombier. Oh oui, on a peur, nous, à Palombier. On est même effrayé. Oh oui, on est effrayé. On ne sort plus le soir. On sort plus le soir. Pour ainsi dire, on se barricade chez soi. Ben, c'est bien simple, je me barricade chez moi. À Palombier, on vit une véritable psychose. On vit une véritable psychose. Et on a une gueule de con. J'ai une gueule de con. Bref, à Palombier, il n'y a que des vieux, et les vieux, on leur fait dire n'importe quoi. N'importe quoi. Alors cette séquence, ça me fait penser à Zai Zai Zai Zai, donc la BD de Fab Caro, ouais. Où justement, à un moment, t'as un journaliste qui interview des personnes. Et à chaque fois, le journaliste dit « Est-ce que vous direz que ?» avec une phrase. Mmh. Et la scène d'après, c'est la personne qui est interviewée qui répond à chaque fois. Et d'accord. C'est exactement ce sketch. Donc, vous voyez, les vieux, donc, c'est la population majoritaire au Groland. Qui sont les gens, par contre, les plus stigmatisés du Groland ? Les jeunes. Oh non, pas du tout. Les peuvres. Les quoi ? Les peuvres. Ah. Finalement, c'est très simple. Les sans-dents. Les vieux. Il y en a plein chez Magellan. Les cons, les podcasteurs. Ah bravo, Asto a raison, c'est les cons. Et donc sketch. Ah merde, déjà. Eh oui. C'est décidé, c'est aujourd'hui. C'est le 3. Ah non, c'est la pété. Oh, on a pété une c'est question. C'est pas la pété. Si. Ils sont de plus en plus nombreux à ne plus vouloir supporter les agressions verbales dont ils font l'objet chaque jour. Les cons de Groland veulent que les politiques durcissent enfin la loi. Ah bah, les cons ont marre de se faire insulter à longueur de journée. On a peur de sortir de chez nous. On n'ose plus rien faire. Mon pauvre con, sale con, petit con, gros con. Malheureusement, la parole, elle se libère à Groland. Les cons de Groland ne sont pas dupes. Ils veulent faire aussi condamner ceux qui, pour éviter les ennuis, les traitent parfois de connards. Connard, c'est le phoné de con. On le sait bien. Eh, on n'est pas con. Et les cons ne sont plus les seuls à sentir la montée de la haine. Je représente toutes les couilles molles de Groland. Et je dois dire que nous constatons une augmentation significative des insultes dont nous sommes victimes. Plus 58% de violence au trou du cul, c'est malheureusement le constat terrible que nous avons fait. Con, connasse, trou du cul, couille molle. Ils sont nombreux à vouloir désormais quitter Groland. Une volonté que ne comprend pas le reste de la population. Ben d'accord, mais ils vont aller où ces cons-là ? Et donc, il a été un peu teasé, malheureusement, mais ce n'est pas grave. Que s'est-il passé le 25 octobre 2003 ? Allez, hello, vas-y. La pété. Bah, c'est après, la pété. Ça a pété. C'est décidé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le René va mettre une pétée à la Monique. Ça fait 50 ans que ça dure, et là, le René, il en a marre. 50 ans qu'elle le fait marner. Non, je ne sais pas, c'est peut-être trop tôt, sois patient. Ben là, ça suffit, elle va prendre sa pétée, et ça va être maintenant. En 40, non, il y a les Allemands. En 68, il y avait 68. En 80, je ne sais pas, avec le sida. Ras-le-bol. Là, on est le 25 octobre 2003, il est 7h, et le René va mettre une pétée à la Monique. Merde ! Qu'est-ce que c'est ? C'est la pétée ! Le René, il va lui mettre copieux à la Monique. René ! Je viens te mettre une pétée. Mais sois patient ! Non ! Non ! J'en ai marre ! Ça fait 50 ans que ça dure ! La Monique, Elle a une bite. Le René revoit toute sa vie défiler devant lui. 50 ans à attendre, 50 ans pour rien, 50 ans de gâché. C'est décidé, c'est aujourd'hui que la Monique va mettre une pétée au René. Oh, je pense que c'est l'un des sketchs les plus emblématiques de Groland. Peut-être le plus connu. Je sais pas si c'est emblématique de ce qu'était Groland, mais c'est sûrement c'est le plus connu. Ouais, c'est un des plus connus. Non, l'un des plus connus. Et qu'est-ce qu'il y a finalement de plus fort à Groland que le travail le dimanche? Moi, j'ai une petite idée. C'est marqué sur le fichier. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que le travail le dimanche? Boire. Le repos le lundi. De plus fort. Non. Ah, ça, quoique le 1er janvier est un jour spécial au Groland où il faut vraiment rien. Le discours de notre cher président. Notre cher président. Le jour du lent. Et non, tout simplement, c'est le travail, pas de nuit. Chez nous, le débat sur le travail le gros manche a accouché d'une loi incroyable obligeant les Grolandais à travailler la nuit. Il est 2h du matin. Germaine Tuyot est réveillée. Insomniaque depuis toujours, elle se couchait toutes les nuits angoissée à l'idée de ne pas dormir. Mais tout ça, c'est fini. Grâce à une nouvelle loi, Germaine n'a plus besoin de rester au lit en attendant que les heures passent. Allez, en route. Pour Germaine, la nouvelle loi rendant possible l'ouverture des magasins de nuit est une bénédiction. Allez, messieurs. Germaine peut désormais faire ses courses quand elle veut. Oh, mais il est cher, votre pâté en croûte. Et à 3h du matin, pas besoin de faire la queue. Faites voir votre petit cuit à l'ancienne, là, et d'aujourd'hui. Ah, bah, je crois pas, moi. Vous avez pas du feu? Non, désolé. Germaine a même arrêté les somnifères. 25 euros la rosette de Lyon. Mais vous vous mouchez pas du coude, hein. On va demain soir. Mais les effets de la crise sont encore là. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais essayer des pullovers. Germaine n'achète jamais rien. Elle fait comme tout le monde. Elle fait que regarder. Pas le premier, celui d'en dessous. Il est 4h du matin. Germaine repart chez elle. Normalement, je dors une petite heure. Et à 5h, je retourne faire les magasins. Ouvrir la nuit, c'est bien, mais la clientèle nocturne, non seulement elle n'a pas de pouvoir d'achat, elle est hors de prix, votre pote de bœuf. Mais elle a un gros pouvoir de faire chier. Je vais dire casser les couilles, mais oui, c'est ça. Non, voilà, c'était donc le travail de nuit, c'est plus balèze que le travail le dimanche. Alors, je pense que là, pas tout le monde n'aura la référence. Mais c'était mon ami. Émile Louis. Ouais, Émile Louis Joly. C'est parti. Salut. Nécro, cette semaine, nous quittait le plus grand serial killer français. Un homme qui a fait bien du mal à un Grolandais. Souvenez-vous. Il y a parfois des noms qui sont de véritables fardeaux. Cet homme s'appelle Émile Louis. Ah, c'est pas de chance. Émile Louis aura été tranquille 53 ans, jusqu'à ce que le monstre de Lyon ne vienne souiller sa paisible existence. Mais qu'est-ce que je peux être ennuyé avec ça? Malheureusement pour lui, ça ne s'arrête pas là. Émile Louis est aussi chauffeur de car. Ah ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Le hasard, les coïncidences s'acharnent sur le pauvre homme. Émile Louis n'est pas que chauffeur de car, il est aussi pédophile, comme l'odieux monstre. Vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait. Adversité ultime, comme l'abjecte bestiole, lui aussi tue ses victimes, lui aussi les enterre. Non, c'est une histoire inimaginable. Par contre, pour lui, personne ne le sait. Ben non, je peux pas être maudit jusqu'au bout non plus. Après la diffusion de ce reportage, les flics grolandais n'ont pas réagi. Il a fallu que la NSA les prévienne en leur coupant une conversation de commande de pizza. Ah, c'est ça, mieux quand ça marche. Oui. Est-ce que vous connaissez la plus grande star du show business grolandais? Non. Alors, ce n'est pas Jackie Blanchier. C'est une star très connue. Johnny Hallyday. Non, je... C'est une parodie de Johnny, mais je me rappelle plus le nom. Pas tout à fait. Ah oui, parce qu'on avait aussi Michel Sardouille. Ah. Avec Au boulot les feignasses, la maison les pétasses. Ah. Pour, plus de, pour les clodos, plus de binasses, la rupture, faut qu'on la fasse. D'accord. Et les saints papiers cul qui chinent à la sacristie. Voilà. C'est bien esprit Groland. Moi, j'aime bien. Et non, ce n'est pas eux. Alors, je pense que vous ne l'aurez pas trouvé parce qu'en fait, c'est Jeff Cataclope et Jean Barthes. Alors que l'affaire Weinstein secoue tout le landerneau français, de nouvelles et terribles révélations viennent cette fois-ci entacher durement le show business groenlandais qu'on croyait pourtant à l'abri. Un récit effarant de Vincent Marronnier. Qui l'aurait cru ? Lui, le symbole de l'humour bon enfant de l'espièglerie groenlandaise, vient d'être placé en garde à vue ce matin même. Lui, c'est Jean Barthe, le célèbre compagnon de Jeff Cataclope, repéré il y a 3 ans dans l'émission de Patrick Sébastoche, le plus gros cabaret du monde. Ça va, Jean Barthe ? Ça va, mais ça ira mieux quand la dame du premier rang viendra éplucher ma banane. Il était devenu rapidement une immense vedette, invité partout à la télévision. Et mon pote, t'as vu les miches de la blonde là-bas ? Tu mets ta tête dedans et t'as l'impression de voyager en première, hein ? Jusqu'à une première plainte de fan. Après le spectacle, Jean Barthe m'a invité un soir dans sa chambre d'hôtel. J'ai été droguée. Je me souviens plus de rien. Je revois juste un de ses doigts en peluche rentrant dans mon anus. Suivi de plusieurs autres. Jean Barthe et son ami Jeff Cataclope m'ont invité dans leur chambre. J'ai bu un verre ou deux. J'ai embrassé Jean Barthe. Il m'a ensuite tripoté les seins. J'ai dit non, que je voulais partir. Il m'a assommé avec une lampe et quand je me suis réveillée, j'avais très mal au cul. Interrogé par la police groenlandaise, Jeff Cataclope, son ami inséparable, est tombé dénu. Si j'avais su que Jean Barthe était un prédateur sexuel, et dire que ça fait 15 ans que je le connais, j'ai rien vu venir. Jean Barthe a été inculpé pour viol. Il risque 10 ans de prison. Une peine que son avocat, Joe Coco, va tenter de faire réduire. Jean Barthe est de bonne volonté. Il a même demandé une castration chimique. Donc, bien évidemment, c'était une parodie de Jeff Panaclock, c'est ça ? Voilà. Et de Jean-Marc. Ouais. Un beau jour. Qu'est-ce peut-être qui lui une nuit. Ouais, ou peut-être une nuit. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Karim ? Il a trouvé deux bâches, non ? Attends, faut que je change de palette, là. Ça va pas, là. Ça va pas. Il y a quand même un jour où il va falloir que je me penche sur le problème Karim deux bâches. Oui. Peut-être. Pourquoi un problème ? Bah, pour moi, c'est un problème parce que je sais jamais à quoi on fait référence. Ah. Mais bien, moi non plus, mais je connais juste tellement l'habitude de l'entendre. C'est un mec qui fait des vidéos très très cool. Sur Dailymotion, oui, voilà, c'est peut-être pour ça qu'en fait on le connaît pas. Non. Et bien qu'est-ce qu'il aurait pu lui arriver à Karim ? On va écouter. Hein. Qu'est-il vraiment arrivé au jeune Karim, retrouvé la gorge tranchée au bord d'une voie ferrée ? L'affaire remonte à jeudi dernier. Tout s'est passé ici, près de la gare de Mufflin. Voici une reconstitution du drame, d'après les témoignages recueillis sur place. Un vigile du Pastis, le pôle armé pour la sécurité des trains intersecteurs, aurait appelé un agent de la SUSE, la section d'urgence des zones électrifiées, pour signaler la présence d'un individu en train d'uriner sur un caténaire. Arrivé sur place, les deux hommes auraient invité Karim à aller se soulager plus loin. Devant la résistance de celui-ci, l'agent de la SUSE et le vigile du Pastis auraient appelé en renfort un employé du Calva, le centre d'aide logistique aux vigiles agressés, ainsi qu'un maître chien du GIN, le groupe d'intervention neurologique. Pour maîtriser, le forcené serait ensuite venu en renfort un membre des Vodka, les volontaires pour les opérations de décérébration des Kabyles et des Arabes, ainsi qu'un membre des Cognac, les commandos d'opposition gauloise aux Négros, Arabes et Shintok. Interrogés par la police, les 6 auteurs présumés nient fermement cette version des faits. Selon eux, ils étaient tous au moment du drame en train de boire un coup dans un bar proche de la gare. Un alibi confirmé par le patron du bar, par ailleurs membre du MURGE, le mouvement unitaire des restaurateurs guillotineurs d'étrangers. Affaire classée. Même le chien bouge pas. Pas mal. Non, voilà, l'humour groenlandais dans sa splendeur et... Bon, on voit ce qui lui arrive à ce pauvre Karim, c'est quand même assez malheureux de tomber sur le Pastis, mais bon, c'est comme ça. Par contre, quelle est la meilleure pâtisserie du Groland. Ah oui, je me rappelle plus le nom, mais oui, ils servent à poil et. Ah oui, c'est celui où tu peux faire l'amour à la vendeuse ou au vendeur. Ah ben, ou au vendeur suivant le vol que t'as. Pour payer. Pour payer, ouais. C'est ça. Pas du tout. Alors, c'était la meilleure pâtisserie, c'est le meilleur gâteau en fait. Je voulais parler ici. Ah, je sais même pas si c'est pour payer, c'est le coût des trucs à poil. C'est à partir d'une certaine somme dépensée. Ah oui, c'était cadeau. C'était pas ça. Ouais, en cadeau, tu peux ploter les miches de la boulangère ou. Ou autre chose. Ou autre chose. Bien ou... évidemment. Bon, donc vous ne trouverez pas cette. Non, non. Eh ben, c'est la bite de nègre. L'incompréhension est totale dans cette boulangerie-pâtisserie de centre-ville. Suite à une pétition sur les réseaux sociaux, le responsable du magasin est désormais pointé du doigt pour trois de ses gâteaux qui provoquent la polémique. La bite de nègre, le tarin youpin et le bougnolo. Une polémique qui laisse pantois les nombreux clients fidèles à ce magasin. Ça fait des années que c'est comme ça, je vois pas le problème. Franchement, moi, ça me choque pas du tout. Quant au boulanger, il tombe encore des nues. Bah écoutez, les bras m'en tombent. De père en fils, on a toujours fait ces gâteaux-là. Depuis 1939, à la création de la boulangerie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À Mein Kampf, les villageois ont apporté en masse leur soutien à leur boulanger. Un boulanger qui, pour l'instant, n'a pas souhaité reporter la mise en place de sa toute nouvelle création, la tarlouzette. Comme je les cuis tous dans le même four, des fois, j'ai plus de place. Cet homme deviendra-t-il enfin raisonnable et acceptera-t-il un jour d'arrêter ? Peut-être. Mais putain, croyez-nous, ce ne sera pas de la tarte. Une petite tarlouzette, monsieur Mengele ? Non, merci. Oh, elles sont toutes chaudes. Non. Monsieur Mengele. C'est sûr que le tarin youpin en 39, il devait faire fur. Hein. Nos meilleures blagues. L'émission qui cartonne le plus au Groland. Oh, ce serait pas la roue de la fortune. Enfin, parodie de la roue de la fortune, je sais pas quoi. Oh, pas du tout, c'est beaucoup plus simple finalement. Moi je sais. Loto Je vais vous parler. Ah, pour deviner, je vais vous parler de par exemple de Cyril Hanouna. Elle touche pas à mon poste. Pas du tout en fait, je vous parle de Cyril Hanouna lui-même. Ah. C'est la personne. Plutôt, Cyril Hanouna. La personne. Ça, je sais pas déjà. Non. Peut-être qu'il a une tête de. Ah bah de con, de chien, ah, bah, voilà. Ça c'est sûr, mais. Ah, question pour une tête de con ? Crédit sur Gros 1 à 14h, découvrez Tête de con, la nouvelle émission inspirée du concept américain Assault. Vous connaissez toutes les stars de cinéma, tous les animateurs de télé, toutes les vedettes de la chanson, vous les admirez même, et pourtant, si vous saviez. Nous avons recueilli des dizaines de témoignages qui le prouvent. Vos stars préférées sont en fait, bien souvent, des têtes de con. Dans le premier numéro de Têtes de con, vous découvrirez des proches de Michel Simiesque, le célèbre docteur rigolo de Gros 5, qui nous parleront de lui. Il a un melon. Franchement, j'ai jamais vu un con pareil. Hein. Mais déjà, à la fac, personne ne voulait s'asseoir à côté de lui. T'es lourd, t'es lourd, t'es con. Toujours dans le premier numéro, vous irez à la rencontre de ceux qui ont côtoyé Willy Lamergie, l'ex-présentateur vedette de TV Matin. Un vrai casse-couille, toujours à boucher dessus. Moi, c'est simple, je suis barré au bout de deux jours, je ne pouvais plus. Willy Lamergie ? Oh, on veut plus le servir, ce con-là. Dans Tête de con, vous verrez aussi un sujet sur le tennisman Henri Grosconte et une interview exclusive de l'ex-coiffeuse de la comédienne Minnie Mathy. Petite de taille, mais grandieuse. Une conne pareille, c'est rare. Tête de con, c'est tous les crédits à 14h, juste après le journal de 13h de Jean-Pierre Porneau. Jean-Pierre Porneau ? Oh, déjà au CM2, il était vraiment très très con. Tête de con, tous les crédits sur Gros 1 à 14h. Qu'est-ce qui est passé par la tête de Toufik ? Une balle ? Une balle, ouais. Ah non, ah, quoique ça aurait pu arriver, mais finalement il s'est un peu arrêté avant parce qu'il a voulu Karim. Est-ce qu'il a voulu aller où d'après vous ? En Syrie. Et en Syrie, tout simplement, bravo. Et puis les cas de jeunes djihadistes qui s'envolent vers la Syrie se multiplient un peu partout dans le monde occidental. Un reportage de Vincent Margrenier. Que s'est-il passé dans la tête de Toufik Yahadi ? Ce jeune de 17 ans sans histoire était parti de chez lui dans l'intention de faire le djihad en Syrie. Sans argent, il était résolu à y aller coûte que coûte. Pris d'abord en stop sur le périphérique grosvillois par une dame. Non mais 40 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est vrai qu'on monte une vacherie, à 20 ans tu gueules, à 30 ans tu fais la gueule, à 40 ans tu fermes ta gueule. Puis par un monsieur. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 euros. Puis ensuite par un autre. Moi, c'était tout noir. Je pouvais plus respirer. Il y a vos clous pour accepter de bouffer des saucisses cachenas cata. Et encore un autre. Kiadi a, semble-t-il, changé d'avis à un moment donné. Il a alors fait demi-tour pour finalement, à la surprise générale, faire son djihad contre rire et chansonnette. Dommage que Toufik soit pas arrivé à l'heure où passent les grosses têtes. Les champignons. C'est signé Dédé. Bravo. Sur le marché français de la pizza à domicile, la concurrence est rude. Pour y trouver sa place, Patrick Youenou, directeur de Pizza 12, a eu une idée simple. Toutes les pizzas se ressemblent. Moi, mon idée, c'est de proposer aux clients des pizzas 50% moins chères. Pour y parvenir, Patrick Youenou a tout misé sur les délocalisations. Une stratégie qui, aujourd'hui, porte ses fruits. Nous sommes ici à Paris, chez Laurent Montel, étudiant en faculté. Ce soir, il y a un match de football à la télé. Laurent a décidé de manger une pizza. Il la commande chez Pizza 12. Un seul impératif pour Laurent, commander le matin pour le soir. Ah non, c'est pas un problème, il suffit de prévoir. Car ce qui intéresse Laurent avant tout, c'est le prix. Ce soir, il a choisi de commander une pizza reine. Pizza 12 ? Hello, I would like to order a pizza. Laurent ne sait pas que son appel est traité ici, à Bombay, en Inde, par une centrale d'appel. Hello, mister. What want you some time? Laurent est un habitué de Pizza 12. Pour finaliser sa commande, il a acheté un dictionnaire bengali-français. Français-bengali. Salam, Saïd. Il est 8h du matin, Laurent va à la fac. Pendant ce temps-là, c'est une véritable course contre la montre qui s'organise. Pekesh appelle le centre de fabrication de Pizza 12, qui lui se situe ici, en Pologne. Pizza, rein, one, ok. Pour des raisons de coût, la pâte est fabriquée ici, dans cette ferme, avec différentes farines animales issues de la communauté européenne. C'est Zbigniew, le fils d'Olga, qui lui est chargé de cueillir les tomates destinées à la garniture. Pour le jambon, il s'agit de jambon de rat au torchon, préparé et décoiffé par Boslav, le deuxième fils d'Olga. Quant au fromage, il est à base du lait issu de la dernière grossesse d'Olga. La pizza est prête. Il est 8h30, il faut faire vite. Boslav se rend à l'aéroport de Varsovie. La pizza doit impérativement prendre l'avion de 9h30 pour Zagreb, en Croatie, où se situe le centre de livraison de Pizza 12. La pizza, placée par Boslav dans le train d'atterrissage du Boeing 707, restera chaude. Il est 11h, la pizza est récupérée par Yuri qui la met aussitôt dans le train Zagreb-Berne où elle voyagera encore une fois à moindre coût. Dès son arrivée en Suisse, elle est récupérée à la gare par Gunther, le correspondant local de Pizza 12. Il est 14h, Gunther trouve un transporteur français qui prend en charge la pizza jusqu'à Rungis. Il est maintenant 19h. La pizza est récupérée par Jean-Louis, le transporteur francilien de Pizza 12. Son but, la remettre à Dédé, le livreur parisien, le plus vite possible, au moindre coût. Dédé récupère la pizza une demi-heure plus tard. Il est 19h30. Dédé, selon la charte de qualité Pizza 12, a laissé réchauffer la pizza pendant 15 minutes avant de la livrer au client. Il est 19h55. Dédé est devant le domicile de Laurent Montel. Il sort la pizza de son sac isotherme. Il est 20h. Pizza 12 a tenu ses délais. Laurent Montel a bien été livré en 12 heures chrono. Et il paiera grâce aux délocalisations 50% de moins que les prix du marché pour un produit équivalent. En plus, c'est délicieux. Une pâte moelleuse, une sauce tomate savoureuse et de la mozzarella onctueuse, c'est une recette et un savoir-faire signé Pizza 12. Par contre, les champignons, c'est signé Dédé. Je vous raconte pas son tiramisu, Dédé. Non, voilà, c'était la fameuse pizza douche. Je pense que c'est un des sketchs aussi les plus connus de Groland. Pas du mal à trouver, mais je l'ai trouvé pour vous. Qui va racheter le vignoble bordelais? C'est Montaucheux, ça. Les Chinois. Mais là, t'es pas loin. Bon, ils l'ont déjà racheté, c'est une bande de bridés. C'est sauf pas que... dans Groland qu'ils l'ont racheté. Ouais, sauf que c'est un super héros chinois. Ah, c'est un super bridé? Oh non. Super c'est... brida, super bridou? C'est Yellow Panda. Yellow Panda. Panther, le super-héros noir a cartonné au box-office. Il n'en fallait pas plus pour donner des idées aux producteurs grolandais qui se sont engouffrés dans la brèche communautaire. Sont donc annoncés en 2019 Yellow Panda. En France, des méchants petits vignerons bio veulent empêcher un gentil industriel chinois de racheter tout le vignoble bordelais. Yellow Panda va aider le gentil milliardaire et repousser les bouseux en leur balançant des sulfites dans la gueule, des fulguronèmes et des fulgurobambous. Pour le Festival de Cannes 2019, devrait être terminé en vue de la sélection officielle Shishaman. C'est l'histoire d'un méchant américain qui vit sur la planète Donut. Le méchant américain veut conquérir la Terre en l'engluant dans de la sauce barbecue. Heureusement, Shishaman sauvera le monde en propulsant son astérobabouche dans le cul du méchant américain. Et pour terminer, devrait sortir Captain Guacamole. Captain Guacamole, des super-héros pour toutes les communautés en attendant l'arrivée fracassante de... Alors, on cherche la bagarre ? Super Tapette, un super-héros qui, grâce à son sèche-cheveux, va délivrer le monde de tous les homophobes. Bon, pas ça. C'est en espérant un jour un vrai super-héros qui nous délivrera enfin de tous ces films de merde. Grovengers. Grovengers, c'est pas mal. Alors, faut savoir que les Chinois qui ont racheté les vignobles bordelais, ils ont fini dans la Dordogne. Ils ont pris un hélicoptère. Ah oui, c'est vrai, il y a pas longtemps là. Oui, ouais. Le château La Rivière. Plus château La Rivière. Ouais, château La Rivière, à côté du Clos Pipo, la parcelle de terrain à côté du Clos Pipo. Un hélicoptère. un gyroptère. Avec un gyro. C'est vrai, ouais, mais oui, c'est dans la semaine que ça s'est passé. Ah, non, c'est il y a là l'histoire du Chinois qui avait racheté le château La Rivière, c'était il y a 3-4 ans à vue de nez. Pour pas dire une bêtise, quoi. Mais il est arrivé, il a pris un gyroptère, il a voulu faire le tour de la propriété, le truc s'est crashé dans la Dordogne, je sais pas s'ils ont retrouvé les corps. Et là, nous arrivons à notre dernière question, et pas des moindres. Il est le nouveau Salman Rushdie. Oula. Je répète, il est le nouveau Salman Rushdie. T'es sûr qu'on veut qu'on s'en sorte là-dedans, parce que ça sent l'intifada, ça sent la fatwa. Tu n'es pas loin. Et encore une fois, c'est Dédé. Il est partout. Depuis 6 mois, André Mignonnat, dit Dédé, vit un véritable cauchemar. Tout a commencé le 19 mai dernier. André emménage. Il est aidé par Mickey, un ami de longue date. Dédé n'a pas voulu faire appel à des déménageurs. Il utilise donc le break de Mickey. C'est le dernier voyage. Ne reste plus que les petites choses. Pour qu'il y en ait toujours un qui surveille la voiture, il se relaie pour monter les affaires dans le nouvel appartement situé au 6e étage. Alors que c'est au tour de Mickey, Dédé restait seul en bas, a soudain une incroyable envie de faire caca. Comment faire? Il ne peut pas rejoindre Mickey en haut car il ne peut pas fermer le break, il n'a pas les clés. Mickey! Presse. Que fait Mickey? Il en met du temps. Dédé songe alors à faire caca dans la rue entre deux voitures. Oui, mais voilà, faire caca dans la rue, Dédé, de sensibilité écologiste, n'aime pas trop ça. En regardant dans le coffre, il a une idée. Il attrape un objet de décoration qu'il a ramené de ses dernières vacances au Maroc. Accroupi entre deux voitures, il fait alors caca dans un plat à tagine. Ouf, personne ne l'a vu. L'honneur est sauf. Personne ne l'a vu, c'est ce que, hélas, croyait Dédé. Et pourtant, un jeune homme qui passait par là, de l'autre côté de la rue, l'a malheureusement photographié avec son téléphone portable. Mais ce n'est pas tout. Son futur voisin du 5e, intrigué par le déménagement, a filmé la scène avec son caméscope. En plus, pas de chance pour Dédé, une caméra de surveillance située dans la rue a également enregistré des images. Et pour couronner le tout, des images satellites existe aussi. Aussitôt, toutes ces images circulent sur Internet. Si ça fait beaucoup rire les Chinois, pour le malheur de Dédé, ça fait beaucoup moins rire dans les pays arabes. Le monde musulman est en émoi car évidemment, on ne peut pas chier impunément dans un plat à tagine. Dès lors, une fatwa est lancée sur Dédé. Dédé, depuis 6 mois, est donc obligé de changer d'hôtel tous les jours, escorté par des policiers grolandais. Dédé, surnommé le nouveau Salman Rushdie, vit désormais dans la terreur. Il sait que la fatwa ne sera levée qu'à une seule condition, qu'il fasse caca dans un caclon à fondu. Jamais. Dédé, malgré l'intervention des émissaires de l'ONU, reste intraitable, au risque de mener l'Occident à un terrible conflit armé avec l'Orient, sauf s'il accepte enfin de... Jamais. Et dans un plat, Adeline. Jamais. Je pense que c'est le sketch le plus emblématique de Groland. À peu Quel près. Il est fou ce Dédé. Il est fou ce Dédé. Eh oui, André Mignoni dit Dédé chie dans un plat à tagine. Et bon, écoutez, on a fini avec ces questions, mais pour s'en aller l'esprit apaisé, pourquoi de mieux qu'un petit conte de Noël ? Oui, je sais, en ces temps estivaux, ce n'est pas le bon moment, mais vous allez voir que c'est très à propos avec Apéro Original. Il était une fois un gentil papa-antipapa qui avait pas trop le moral parce que ça allait pas trop bien au travail où il était embêté par un méchant chef. Ça allait pas trop bien aussi avec sa femme parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble. Alors, il était un peu malheureux. Et à chaque fois qu'il descendait de chez lui pour aller à son travail où il n'avait pas envie d'aller, il voyait un clochard rigolo qui lui disait bonjour. Tous les matins, il voyait ce clochard rigolo qui était libre comme l'air, qui n'avait pas de vilain chef au-dessus de lui, et qui, toute la journée, regardait les jolies filles passer, et qui, toute la journée, buvait du vin sans se faire engueuler. Alors, un jour, le gentil papa, il n'est pas allé au travail. Et il a décidé de rester avec le gentil SDF. Au bout d'un moment, il est quand même allé au travail, le gentil papa. Et il est tombé sur le vilain chef qui lui a dit de plus venir à son travail, qu'il n'aimait pas, de toute façon. Alors, il est rentré à sa maison et il a dit à sa femme qu'il ne l'aimait pas, de toute façon. Et qu'il en avait marre de rentrer à la maison, de toute façon. Et qu'il préférait aller boire un coup dehors, de toute façon. Et que son rêve, c'était d'être libre comme l'air, comme son copain d'en bas. Et quand il est descendu pour retrouver son copain d'en bas, il n'était pas en bas. Alors, il l'a cherché pour boire un coup. Et puis, un autre coup, et encore un autre coup, et encore un autre. Il l'a cherché dans le square. Pas loin. Il l'a cherché à l'épicerie de nuit. Il l'a cherché aussi dans le métro, pas loin. Mais il l'a pas trouvé, son copain clochard rigolo. Et c'est normal, parce que son nouveau vrai copain, en fait, il était avec sa femme chez lui. Parce que si son rêve au gentil papa, c'était de boire des coups, le rêve de sa femme, elle, c'était de sucer les doigts de pied d'un clochard. Alors, voilà, la morale de ce conte de Noël, c'est que faut faire gaffe, parce que même si t'as une vie de merde, il y a toujours une vie encore plus de merde que tu peux avoir. Joyeux Noël ! Et voilà, c'était la belle conclusion de ce dossier. Et oui, on peut avoir une vie de merde, encore pire, mais voilà. Si vous voulez sucer les pieds d'un clochard, allez-y. Hein, nous ne sommes pas là-dessus, nous allons pas vous brimer. Mais c'est comme ça. Merci Gandalf. Mais de rien, c'était avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Ouf. Bon, ah, je sais pas. Il faut demander ça au Milou et à Hello. Je préfère pas répondre à l'antenne. Ne se prononce pas. Ne se prononce pas. NSPP. NSPP. Allez, on va poursuivre la suite avec. On va poursuivre la suite. Bah oui, forcément. Bah oui. C'est con, franchement. Asto, tu pourrais faire attention à ce que tu dis. Franchement. Hein ? Allez, la rubrique que tout le monde nous envie, la question aux invités. Oh non, putain. Merci, Pépé. Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Viens! Viens! Allez, viens! Viens! Allez, viens! Viens! Viens! Allez, viens! On va manger des chips! T'entends? Des chips! C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips! Ouais. Alors, on va vous poser des questions. Oui. Donc, c'est une question entre. Enfin, on a 96 questions et vous allez donner un chiffre et qui correspond à une question et vous allez donner une réponse. Ah, j'ai l'impression de déjà vu. Qui correspond à la question. Qui correspond. Bah ou oui, pas. Celui-là déjà fait chez Benvir. Ah oui, ça doit être ça. Ah, c'est pour ça. Non. Ça y était déjà. Non. Non, non, il me semble pas. Non, non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas encore. Il y avait les mouches. Encore. Il y avait les oui, mouches. Il y avait les mouches, ouais. Hello. Donc, une question entre 1 et 96. 16. 16 mm. Alors, 16, Cyprien ou Norman? Oh, c'est, ma question, c'est facile. Étant donné que je connais pas plus que ça l'ampleur de leur travail, non, c'est pas si facile que ça. J'en ai aucune. Bah, Cyprien, au pif. Tu pouvais répondre aucun des deux aussi. C'est une bonne réponse. Ah oui, aussi, j'aurais pu. Après, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Oui, il n'y a pas ouais, de bonne ou tu poses une question, il faut être capable d'accepter tout ce qui peut arriver. Bah oui, sinon tu ne poses pas la question. Oui, c'est pour ça que c'est des questions comme ça. Le Milou. 69. Ah, année. Quel cochon. Pas du tout dans le thème. Friends ou Big Bang Theory? Ah, j'aurais préféré celle-là. Bah, fallait le dire. Big Bang Theory. T'auras le droit de répondre après. Mais c'est à moi qu'on pose la question. Moi, je dis Big Bang Theory. Voilà. Ouais, je me. Tu te tâtes? Ouais, je me tâte. Lève tes mains, s'il te plaît. Ah, c'est sûr que dans Big Bang Theory, il y en a une, elle est mignonne. Mais ouais, je vais rester sur Big Bang Theory parce que Friends, je l'ai pris sur le tard, en fait. C'est vrai qu'elles sont un peu vieilles maintenant. Non je sais pas. Ouais. Tandis que Big Bang Theory, c'est une série que j'ai suivie depuis la première épisode. Elle est jolie, mais elle est vieille. Et c'est Courtney Cox Oui. Ouais, dans quoi, dans Jennifer Aniston aussi. Ouais, Jennifer Aniston est pas mal non plus. Les deux, ouais, ça. Mais je préfère qu'elle ait Coco, quand même. Ah oui, non, bah oui. Bah oui. Elle est plus jeune. Ah oui. Bah c'est pas une question d'âge. Tu me connaissant, tu devrais savoir que pour moi, c'est pas une question d'âge. Jennifer Aniston doit avoir à peu près le même âge que toi. Je sais pas, moi j'ai 42. Non, elle a la cinquantaine, Jennifer oui, Aniston. Oui, c'est les stars. Au plus vieux. Bah, tu sais, ma femme a 56. Hein, donc, Ah ben non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, elle a la cinquantaine, c'est tout. C'est pas un reproche, ouais, c'est une indication. Mais l'âge, c'est dans la tête. Hein. Indice, chez vous. C'est ça. L'âge, c'est dans la tête et autre chose, c'est ailleurs. Dans le cul. Pas forcément. Pourquoi pas? Ben oui, mais pas forcément. 36. 36. Comme le quai des orfèvres. Où tu vas finir avec les menottes. Pourquoi dans Windows 95 on doit faire démarrer pour arrêter? Parce que il vaut mieux recueillir que recevoir. Okay. Asto. Non. J'ai pas droit à la 93 du coup. C'est ça. Non, du coup non. Alors la 39. Ah. 39, tac tac tac. Pourquoi les moutons ne rétrécissent pas quand il pleut? Parce que leur laine, elle est brute. Elle n'est pas encore traitée. Il y a encore le suin dessus. Si je me gourre pas, ça s'appelle comme ça. Parce qu'ils sont lavés à l'eau froide. Parce que, ouais, parce que la pluie, elle est à moins de 30 degrés. Tu vois, chez Podcastéo, ils appellent ça une réponse typiquement de femme. Ah bon? Ouh, une réponse typiquement de femme. Ouais. D'accord. Je Monsieur. N'en dira pas plus. On a dit entre 1 et 96. Ouais, 80... c'est ça. Je sais pas, 95. Ah, le blé ou le mouton? Le blé. Non. Mais non. Le blé ou le mouton? Mais non, le blé. Non. Mais le non. Blé ou le mouton? Bah, le mouton. Mais non. Non. Le blé ou le mouton? Non, j'y suis pas. Là, je dois pas être connecté parce que j'y suis. Asto? Au moulin! Eh oui, au moulin! Où est-ce que tu moules le blé? Au moulin! Alors, moi j'avais compris le blé ou le mouton. Bah oui, le blé ou le mouton. Mouton. Ouais, Vincent Milan dans un moudre, pré, quoi. Okay. Voilà. Très bien, très bien, très bien, très bien. Elle est très bonne, elle est très bonne. C'est le cube. Enfin, je non, sais pas non, si c'est non, lui, c'est mais une vieille blague, ça. Non, c'est bien. Mais joué. J'avais bien compris joué. De la même façon. Non, que non toi, mais moi, j'étais pas. Oui, mais c'est fait exprès. Hein. Déjà, je comprenais pas le rapport entre le blé. Ou le mouton. Donc pourquoi les mettre en opposition? Et j'ai pas eu le réflexe de. Tant que t'as pas eu la réponse une fois, tu peux pas comprendre la blague en fait. C'est ça. Non, mais c'est pas mal. Par contre, pourquoi vous avez fait les feignasses? Vous êtes arrêté à 96? Bah, parce que c'est des questions qui arrivent comme ça au fur et à mesure, et des fois on en rajoute. Et puis vous creusez un peu quand même, arrivé à 100. J'ai fini par mettre la question, est-ce que c'est Pierre Arditi ou Pierre Arditi? Est-ce que c'est Hugues Offray ou Hugo Offray? Ça va finir par débarquer. Et donc, hello, petite nouveauté, un chiffre entre 1 et 4. Sauf le 2. 4. Personne n'a entendu. 4. 4, allez, c'est parti. Vous écoutez L'Apéro Original, un podcast gratuit, produit et réalisé en totale indépendance, sous licence Creative Commons BY-NC-ND. Ce podcast est disponible sur tous les agrégateurs de flux RSS au monde. Tant que l'agrégateur ne modifie pas le contenu audio ou textuel, tant qu'il n'y incorpore pas de la pub avant, pendant et après, tant qu'il ne tronque pas son contenu, tant qu'il n'y a pas de monétisation pour le contenu de ce podcast. Si vous devez payer uniquement pour le développement de l'agrégateur et pas pour le contenu, par exemple, Podcast Addict est un agrégateur de flux RSS. Magellan n'est pas un agrégateur de flux RSS. Alors, faites le choix de soutenir les indépendants et non les chats rognards. Pour plus d'informations, podcastouvert.fr. Pour nous retrouver à la source, apéroriginal.lepodcast.fr. Pour ne pas nous soutenir, le patipi de Tocheux, on vous laisse ne pas le chercher. Magellan, t'es foutu, les podcasteurs sont dans la rue. Buvez 5 bières aux fruits et légumes par jour, ou plus si affinité. Celui qui conduit, c'est au jeu, donc il ne boit pas, enfin il ne boit plus. Parce que le podcast, c'est aussi l'aventure. L'important, ce n'est pas la destination, c'est par où on passe. Et pas par mon cul comme Georges. Voilà. C'est tellement interminable. Elle a tout fait d'une traite, là. Oui. Oh, merde. Putain, les ravages de la drogue, c'est... Ah, c'est moche. Et de l'alcool, c'est d'où le tweet d'il y a quelques jours. Oui, on disait on s'occupe de ton cas. Voilà, c'est ça. Ah, tu m'étonnes, tu l'as fait picoler pour faire ça, c'est pas possible. Même pas. Quoi qu'il n'y a pas besoin de la forcer. Non, non, non. Hein, c'est... Par contre, c'est la seule à payer et en plus, elle est exploitée. Alors, ouais, c'est non, ça. Justement, c'est le privilège des tipeurs. Enfin, ah oui, du coup, des tipeuses, mais. Bien évidemment. Des personnes qui typent, comme ça, au moins. Ils ont le droit de bosser gratuitement. Ouais. Bah non, c'est justement, ils rentrent dans le podcast, quoi, c'est, ils donnent de leur personne en plus de leur argent. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme et le socialisme, c'est l'inverse. En tout cas, bravo, Evan. Ouais. C'est très bien. C'est. Putain, il fallait du courage pour le faire. Hein. Ou de l'alcool. Non. Ouais, quand même. Et tout ça d'une seule traite, putain, mais faut ouais. Se le pogner le truc, hein, c'est bien. Oui, pardon, non, mais excusez-moi, je. Il y a quand on te suit, hein. Les questions aux invités, il y a quand même blanc. Oui, il y a quand même blanc, t'as vu, ça change. Hein, comme Michel. Ouais, comme Michel, ouais. On a fini les questions aux invités. On va passer sur le quiz d'Azertov, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec le thème Avez-vous déjà vu? Oui. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Voilà, et puis faites pareil des saucissons comme pour les jambes. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Alors c'est simple, on va spoiler des films ou des séries. C'est un blind test. Ah, merde. C'est un blind test, exactement. Spoiler, attention. C'est-à-dire. Alors c'est-à-dire, c'est-à-dire. Là on va partir sur Game of Thrones. Bon, ouais, je suis à jour. Jusque là tout va bien. Attends que je retrouve ma. Alors, moi ma Game personne. Of Thrones j'ai pas regardé donc je vais compter les points. Et en fait, vous allez me dire si les personnes sont vivantes, mortes. Ou les deux. Ou les deux, d'accord. Bah, Yana, c'est les deux. Hein. Ah, oui. Donc, on va faire ça sur la forme d'une liste. Ou les deux. Donc, vous allez me donner le nom d'un personnage de Game of Thrones. C'est con, j'ai pas vu. Et on va voir si la personne est effectivement morte ou effectivement vivante. Ou les deux. Ou les deux. Ou les deux. Mais moi, tu pourrais me dire Dr. Angelo. Je sais pas. Ok, non mais c'est quoi le... Là il faut dire des personnes vivantes ou mortes? Non, tu me dis les personnes qui sont mortes. Faut qu'elles soient mortes. Ok. Et tu dois dire si la personne est morte. Sinon c'est sanctionné. C'est la forme d'une liste, donc on va d'abord commencer par Hello et dans l'ordre. Et celui qui dit une personne qui est vivante est exclue du jeu. Et on continue. Donc c'est un gros spoil, hein? Ah bah oui. Ok. Donc en gros faut dire que des morts. Oui, ouais. C'est ça. Je peux faire une jingle spoiler alert? Spoiler alert. Il va falloir se rappeler le nom de tous là. Oui. Ah bah il y en a beaucoup qui sont morts quand même. Bah oui, mais c'est pour ça, il faut donc se rappeler. Donc soit tu fais à partir de la tous. Saison 1, soit tu commences à la saison 8. Bah oui, et mais tu faut se rappeler quand même le nom de tous. Il y en a un par épisode. Hippo et Chico. Bah tu peux les épisodes 9, sauf la dernière saison aussi, sauf la dernière saison, mais les épisodes 9, c'est là où il y avait les morts. Oui, mais il faut se rappeler de nom quand même, oui, de chacun. Oui, depuis la première saison. Ouais, bah, la première c'est saison, un civil, saison 1, bordel, c'est voilà, c'est ça. Saison 1, c'est facile. Allez, hello. Rob Stark. Bah, Catelyn Stark. Attends, je wow, confirme wow, parce wow, que wow, je vais wow, donner wow, aussi wow, wow, s'il est vraiment mort et dans quel... En fait, tu demandes un truc, tu sais même pas de quoi tu parles. Ils sont vraiment morts, Rob Stark et Stark et Catelyn Stark. Ils sont morts tous les deux en même temps, donc... Moi, je connais Rob Stewart. Je trouve pas, mais oui. Les noces pourpres, ils sont morts tous les deux en même temps. Ouais. Comment c'est spoilé avec Poteau Cheux, là? On pourra plus jamais revoir la série. Non, excusez-moi, mais non. C'est moi? J'ai jamais vu ça, moi. Bah, dis un nom. Michel Foucault? Non. Pourtant, il est mort. Ben. Ned Stark? Ned Stark, oui. Il est obligé de vérifier quand même. Tant qu'on est dans les Stark, c'est le premier qui meurt, Ned Stark. On va déjà réfléchir aux conneries que je vais dire en fait. Ah, Ned Stark, c'est celui qui est la main? C'est ça là? Ouais, non. C'est Sean Bean. Celui oui, qui début, se fait décapiter là. Ouais, c'est Sean Bean qui se fait décapiter. Bean, ouais. C'est le seul saison... que j'ai vu. Ouais, l'épisode 9 de la saison 1. Mais j'ai pas le nom, mais c'est qui se fait balancer dans un trou là, dans un château, dans un ciel? Ouais, je vois. Quand il est en l'air et il y a un trou et puis il tombe. Oui, c'est Littlefinger. Non. Non. Non, c'est pas balancé dans le trou. C'est Littlefinger qui le balance. Il me semble balance que la une personne, femme. C'est une femme. Balance c'est ton ou quoi? Mais je connais pas les noms. Hein. J'ai été très peu loin. Je me rappelle plus de son prénom. J'ai été très peu loin. C'est la tante là, c'est ça? C'est la sœur à Catelyn Stark. La meuf qui nourrit son gamin de 8 ans. Ouais, voilà, c'est 10 ans ou 100 encore. Oui, voilà, c'est ça. Ça compte ou? Ouais, Lisa Tully. J'en sais rien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle est bien morte. Elle a apparu épisode 1 et épisode 4. Enfin, ouais, saison 1 ça, et saison 4, elle meurt saison 4. Moi, j'ai pas dû aller beaucoup plus loin, donc... Ensuite, hello. À moi, quoi. Ramsay Bolton. Ah oui, la bonne mort. Hop, oui, non, il est mort, hein. Oui, mais je regarde... Ah non, mais non, ça... S'il faut vérifier ça à chaque fois. Non, mais ouais, vas-y, de toute façon, il est mort, j'arrive pas à le trouver. Il est mort. Non, mais il est mort, c'est sûr. Oui, il est mort. Milou. Ouais, bon, quitte à spoiler. Ah bah, de toute façon, faut spoiler. Allez, Daenerys. Ah merde, j'allais le dire. Allez, ça c'est fait. Suivant. Ah bah non, il est mort. Non, t'as perdu, toi. T'as perdu. Pierre Bérégovoy. Non, mais t'as perdu. Pierre Bérégovoy. T'as perdu. Pierre Bérégovoy. Bah, Geoffrey Lannister. Ouais, je crois qu'il est mort. Ah putain, je voulais le dire celui-là aussi. Tocheux. Attends, je cherche un nom. Qu'est-ce que j'ai repris? Odor. Oui. Merde, comment ils s'appelaient les deux qui l'accompagnaient dans le nord, là-haut, qui sont morts, eux aussi. Lady. T'écris ça comment? Avec un stylo. L-A-D-Y. Lady. Comme Lady Oscar, mais pas pareil. J'ai 21 résultats. C'est un loup, en fait. Ah ouais, non, mais les personnages. Ah, Humanity, ah oui, c'est un personnage aussi. Un personnage de Game of Thrones. Personnage de Game of Thrones sur la page Wikipédia, c'est les personnages. Myrcella Lannister, alors. Qui ça? Myrcella. La sœur de Geoffrey. Voilà, un des enfants. Putain, oui. Ah, j'y ai pas pensé plus tôt. Marjorie Tyrell. Oui. Ils ont comment il s'appelle le troisième? C'est Tommen. Pierre Bérégovoy. Tommen, je crois. Tommen, ouais. Tommen Lannister. Ouais. Celui qui se défenestre parce que parce que Marjorie avait déjà explosé. Elle vient de se faire sauter la gueule. Ouais, non, ça c'est Mike Brandt. J'ai pas ça. Comment il s'appelait On l'a dit Non, mais je sais pas. Tyrion Lannister, on en a parlé? Non, mais effectivement, il est mort. Il est mort? Il est mort sur le trône, le pauvre. Mais pas le même. Ah, mais oui, non, c'est le père. Non, ça dépend comment tu veux le dire, là. Le petit. Ah oui, le nain. Non, il est pas mort. Non, mais c'est à lui ouais. Que je pensais. Oui, c'est Tyrion. Il est pas mort. Enfin, moi, je sais pas, j'avais Tyrion dans la tête, mais c'est pas grave. Tyrion, ouais. Oui, je pensais au petit. Oberyn. Oui, mais c'était pour ça, mort, c'était pour être sûr. Parce que je vais te dire un autre qui a un nom qui ressemble. T'écris ça comment? O-B-E-R-Y-N, je crois. Oberyn, il y a peut-être deux R. Oberyn, ouais. Oberyn Martell. C'est ça. Juste avec les pouces dans les yeux. Ah oui, il s'est fait écraser. Il s'est fait exploser le crâne. Il s'est fait casser la gueule par la montagne belle. T'aurais pu dire, par exemple, parce qu'il est mort. Ouais, mais moi je connais que Pierre Bérégovoy. Je connais pas son nom dans le film. Puis Pierre Bérégovoy, ouais, c'est pas comme il est mort. Dead. Milou. Tous ceux de la famille et de Oberyn, ils sont morts. Le père à Tyrion, c'est Tywin. Tywin. Lannister. Lannister. Ouais, sur les chiottes. Okagwen et Sondi. Okagwen. Bah, Jamie Lannister. Je sais pas, moi j'ai pas vu la fin de la série, j'ai dû m'arrêter à l'épisode. Il est mort. Ah oui, il est mort. Jamie Lannister, c'est pas le frère de Cersei ou je sais pas. Oui, tu peux dire Cersei, vas-y. Cersei, je sais pas pourquoi. T'as perdu. Non, moi je pose juste la question. Je posais juste la question pour recentrer par rapport Jimmy au peu Lannister, de connaissances oui, que j'ai. Oui, c'est le blond là. C'est celui qui a la main coupée, qui a la main en argent. Celui qui s'est tapé sa sœur. Oui, c'est ça. Mais ça reste en famille. Plusieurs fois, parce que tous leurs enfants, c'est lui et sa sœur. Ah ouais, mais ça reste en famille. Ah oui. D'accord. Au moins trois fois. Et du pourtant, coup, il s'était pas du Nord. Ouais, c'est normal. Il est présent. Il est présent en saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et il meurt. Le mec il s'est arrêté à quoi? À 3 mètres du pot de truc de sangria? C'est ça, en fait. C'est ça. Aïe, avant dernier épisode, ouais. Missandei. Missandei. Décapité, elle est morte. Ouais, bah si vous confirmez comme ça, je cherche pas. Ensuite, Cersei, du coup, elle a pas été dit. Elle est morte? Oh merde. Ah oui. Ah oui, bah elle meurt avec Jamie. Hein. Effectivement, c'est son 8. Elle se prend un bout de donjon sur le coin de la gueule. Ah, ça doit faire mal. Ouais. Ça doit être rapide. Asto? The Hound, donc c'est. Comment il s'appelle Le limier. Le limier, ouais. Vas-y, c'est dans quelle maison ça? Sinon, son autre nom c'est. Clegane. Ouais, Clegane. C'est L. C-L-E-G-A-N-E. Ouais. On le voit au tout début, lui aussi, non? Ouais, il y est pendant toute la série, Clegane. D'accord. Sandor Clegane. Ouais. Ser Gregor Clegane. Non, ça c'est la montagne. C'est la montagne. Gregor, c'est son frère. C'est son frère, ouais. Mais ils meurent tous les deux en même temps. Ils se battent à mort tous les deux. C'est pas ceux qui emmènent Jon Snow là dans les premiers épisodes dans un truc où ils doivent être à la garde ou je sais pas quoi. Non. Non, d'accord. Non. D'ailleurs, ils meurent tous là-bas. Ah ouais. Fun fact, ça meurt. Fun fact, il y a plus personne là-bas, ils sont tous morts. Il y a plus personne, ils ont tous déserté. C'est grave. Bon, je trouve pas parce qu'il y a What Me. Non, mais il est mort. Ouais, il est mort. Si ça confirme, au moins tu sais. Ils sautent du donjon tous les deux pour tuer l'un l'autre. Et ils sont où les dragons? Non, mais c'est des personnages, on a dit. Les dragons, comment ils s'appellent? Oui. Olena. T'écris ça comment? Quelle maison? Tyrell. Ilona. Non, mais enfin. Saison 7. Elle meurt saison 7. Non, il y en a pas un comme ça? Tel Cersei, Toise. Olena, c'est ça. Et, saison 3, 4, 5, 6, 7. Émeraude. Pourquoi pas 8? Oh, wait. Dans dans ce qu'on n'a pas fait. C'est pour ça, tu vois, je l'avais. C'est pour ça qu'elle n'a pas. Ben, Viserys Targaryen. Après, je l'ai pas vu. Ouais, ça doit mourir, ça. Viserys, oui, c'est le frère. Ouais. Saison 1. Ouais, il a fait qu'une saison. Ouais, ouais. Il a eu sa couronne et il en est mort. Mais saison 1 aussi, Khal Drogo, du coup. Le peigne, ouais. Hein, le peigne, la couronne, là, là. Bah, en fait, ils lui ont coulé une couronne sur la. Ouais, il voulait de l'or, bah on lui a coulé de l'or sur la gueule. Une couronne en or, donc on lui a coulé directement sur la tronche. Ma foi, écoute, hein, tu sais, on fait comme on peut. Hein. Bon, l'or était un peu chaud du coup, mais bon, voilà. Mais la couronne était sur mesure. Hein. Ah bah là. Qui la là, le mec, il voulait de l'or. Non, veux-tu, on voit là. Hello. Attends, je cherche. Jorah Mormont. Il est mort. Saison 8, il est mort. Je trouve pas dans les peuples, donc ouais. Si vous confirmez. Putain, comment il s'appelle ? Rickon Stark. Ah voilà, je cherchais son nom au petit dernier. Mm. Ah oui, c'est le tout dernier. Ouais. Rickon. Le mec, il a un nom de boisson. Ouais, saison 1, 2, 3, 6. Mort. Mm. Oh, on l'a déjà pas beaucoup saison vu. Saison 6, je sais même plus comment il meurt, lui. Bah, avant la bataille des bâtards. Ah ouais, d'accord. Il est tué par. Ouais, une flèche transperce le torse de Rickon, provoquant sa mort quasi instantanée. Son corps est entreposé dans la crypte de Winterfell, à côté du corps de son défunt père. Du coup, je sais pas si on peut pas dire qu'il a revécu dans la saison 8. Quand ils se lèvent tous dans la crypte. Ah, ça c'était vraiment une bonne idée. Quand ils... Oui, alors on va réfugier tout le monde dans la crypte. Et vous êtes contre un mec qui peut relever les morts. Oh non, mais ça ira. Ah, d'accord. Sinon, il n'y a pas d'action. Je voulais. Mélissandre. Mélissandre. Ah ouais, c'est celle qui est en rouge. La prêtresse rouge. Ouais, c'est la prêtresse rouge. Je crois qu'elle meurt. Ah oui, bah, elle meurt dans la saison 8. Une fois que il y a un paquet de cadavres dans la saison 8. Ah, ouais. Ah bah c'est à dire qu'il y a deux. Bah, la saison 8 est très courte. Ouais. Et en fait, il y a deux grosses batailles. Combien de c'est temps tout. Comme ça là encore bah, tant qu'on se plante pas. Voilà. Tant que vous trouvez des noms, si vous voulez faire plus vite. Tant qu'il n'en restera pas qu'un. Robert Baratheon. Oui, saison 1. Hein. Ah oui. Épisode 2 ou. Non, 1. Non, il faut au moins 2-3 épisodes quand même. Baratheon, ça me parle ça. Oui, c'est le roi. C'est le roi en fait, Robert Baratheon. Et Sean Bean, c'est la main, c'est le. Ouais, c'est ça. Ouais. Robert, d'accord. Ouais, la série commence où, en fait, Robert Baratheon monte dans le Nord pour demander à Sean Bean d'être sa main. Voilà. Il y a une histoire de bâtard. Et pour marier Sansa avec Joffrey. Il n'y a pas une histoire de bâtard aussi dans le tas. Ah si, Jon Snow, c'est un John bâtard. Mais, oui, non, monsieur. Voilà, D'ailleurs, Jon Snow, on y a droit ou pas? Ah bah, attends, c'est au milieu déjà. Mais non, mais après, voilà, c'est comme, c'est Stannis, comme la montagne. Parce que Stannis Baratheon. Il a été mort une première fois, et il a été mort vivant, et il a été mort une deuxième fois à la montagne. Oui, c'est vrai. Double mort. Pourquoi je l'ai pas dans la famille des Baratheons? Oh, si, ah si, je l'ai là parce que c'est Baratheon de Perry et Dragon. Perry et Dragon, ouais. C'est ça. Stannis Baratheon, 2, 3, 4, 5 est mort. Ah, il craque. Putain, comment il s'appelle l'autre? Il y a un troisième frère chez les Baratheons. Mmh. Putain, comment il s'appelle? Celui, Renly. Renly, exact. Renly Baratheon. Renly Baratheon. C'est au début, c'est machin. Machine, elle est au service de Renly Baratheon. Là. Ouais, Brienne. C'est ça, saison 1 et 2. Brienne, il craque. Exact. Comment elle s'appelle la femme? Donc, t'as dit Renlon. Hop, là. Renly. La femme de Borin. Deux. Ah ouais, mais chez les. Je veux bien aussi. Après, quand même. Il y a tous les Martel et tous les quelle maison? Ah putain, oui, exact. Elle a pas de maison, c'est une sauvageonne. Ouais. Elle meurt. Enfant sauvage. Alors, du coup, moi, c'est dans la catégorie le mur et au-delà. Ouais, c'est ça. Voilà. Et l'infini aussi. Jon Snow, il se la tape et puis après, elle meurt. Ah mais ouais, c'est la rouquine sauvageonne. Il explore sa grotte dans la grotte et... Putain, il y a le chef des sauvageons aussi, de là-haut. Après, plus d'Anu. Je sais plus comment il s'appelle. Hein. Bah, je sais plus non plus, ouais. Avec la barbe. Rousseau. Non, Tormund, il est... C'est... Ah oui, mince, c'est... Je sais plus. Mens... Mens du coup, c'est à toi? C'est à Milou, ouais. Ouais. Ah, mais je me rappelle plus de son nom à lui, du coup. C'est Mens quelque chose, mais le chef des sauvageons. Mais ouais, sinon, un autre mort. Bah, Littlefinger. Ah, bah oui. Ok, si vous vous acquiescez, comme ça, oui, j'ai pas besoin de chercher. En fait, t'as trouvé le bon truc, toi, t'as rien à faire. Mais non, mais c'est la fiche Wikipédia, donc t'as, à chaque fois que je tape un truc, il faut que je l'orthographie bien. Varis. Ah oui, bah oui. Ah oui, bah, ah, ça, c'est le chauve. Ouais, ouais, bah, ouais, il se fait cramer la gueule. Hein. Il a trahi, du coup. Voilà, j'ai plus d'idées, là. Cramé. Ah, ça devient bien. Alors. Comment ça peut avoir d'idées, là. Ouais, je commence à être assez... Pourtant, il y a encore tous les martels et tous les Tyrell. Hein, mais oui, bah oui, mais je connais, je me rappelle plus de leur nom. Ella Martell. Je crois que c'était Ella, la femme de Oberyn. Ouais. Ella Martell. Alors, je l'ai pas dans la maison Martell. Eh ben. Ah si, elle est Ellaria. Ellaria, bah oui. Ellaria Sand. Voilà, parce que c'était une bâtarde, donc son nom de famille c'est Sand. Eh ben non. Bah si, elle est morte. Bah moi je. Ah, remarque, techniquement, c'est pas. Si, elle est morte normalement dans le cachot. Non, Cersei tue sa fille et elle la laisse vivante à regarder le cadavre de sa fille se décomposer. Ouais. Bah après, vu la gueule du château, je pense qu'elle est morte aussi, mais bon. Alors, la fiche Wikipédia dit 4, 5, 6, 7, et c'est tout. Donc, il n'y a pas d'indication sur sa mort. Eh oui, parce donc... qu'elle n'est pas dans la saison 8, on ne la voit pas. Donc, elle n'est pas morte. On ne la voit jamais morte, c'est vrai. Ah ben, pas elle, alors. Le Milou. Un peu Tantos, quand même. Jorah Mormont, on l'a dit ? Oui, je l'ai dit. Bah, dans les... Eh ben... Ah, merde, la petite Mormont, là. Bah, Lyanna. Ouais, Lyanna Mormont. La petite gamine. Je cherchais une Lyanna, mais je disais, mais non, parce que moi je pensais à la mère de John, donc elle est morte, mais elle n'est pas morte dans la série, elle est morte bien avant le début de la série. Si vous validez, c'est bon, parce que. Ouais, ouais, ouais, bah, elle est morte dans la saison 8, puis elle est relevée en mort-vivant, puis elle remeurt. Là, moi je suis à sec. Je ne sais plus comment il s'appelle. Beric, dans l'Arion. Beric, tu sais, celui qui est tout le temps relevé par. Par le prêtre. Par le prêtre. Par Elrond. Qui enflamme son épée, là. Ah oui, d'accord, oui, je vois, ouais. Beric. Il s'appelle Beric. Dont Berion, je crois, mais je suis pas sûr. B-E-R-I-C. Non, mais enfin, oui, on valide. Beric dans Dorion. Dorion. Ouais, je l'ai, il y a 19 résultats, donc on va dire 8. Oui. Ah, 8, il meurt. Eh oui, oui, bah, il meurt dans la bataille. Oui. 1, 3, 6, 7, 8. Et il y a deux personnes qui ont joué ce personnage-là. Oui. David Scott et Richard Dormer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a un lien de parenté. Avec Nathalie, on ne sait pas. Nathalie. Eh bien, la petite Baratheon, là, c'est... chez Winchu. La fille de Stannis. Shaenane. Ah, celle qui a la gueule à moitié fossilisée, là. Oh putain, je sais plus comment elle s'appelle. Shaenane. Face de Quitch. Tu dis quoi, alors? La fille de Stannis. Shireen, ou quelque chose comme ça, elle s'appelle. Shireen, ouais. 3, 4, 5, est morte. Chun-Li. Hop, moi, j'ai plus tellement d'idées, là. Je sais qu'il reste tous les Martell et tous les Tyrell. Bah, la mamie des Tyrell. Charles. On l'a dit, Olenna. Olenna. Ah, mais je sais pas alors. Alors. J'en ai pas d'autres. Charles Martell, il est mort. Il reste tous ceux qui meurent au pied du mur là-bas. La Nightwatch là. Genre le Mormon. Enfin, le... Oui, il y a un Mormon aussi. Ouais, il y a un Mormon, le chef là-bas. Mmh. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je sais plus non plus. Il y a Ed aussi, leur compagnon de la garde de nuit, qui meurt aussi dans la saison 8, mais je connais pas son nom de famille non plus. Tu donnes du coup ta langue? Ah ouais, non, je sais plus. Et bien du coup, on va faire tous les personnages qui sont morts un par un. Oh putain. Oh la vache. Je déconne. On n'a même pas fait le tiers, là. N'empêche que c'est Milou qui gagne. Bah ouais, ouais. Les Dothraki. Bah ouais, il y a tous les Dothraki, mais tous les Dothraki, à part Khal Drogo... Il y a aussi l'ancien chef des armées, comment il s'appelait là, qui rejoint Daenerys et qui se fait tuer là dans les souterrains par les harpies là. Je sais plus comment il s'appelle. Moi non plus. Non, je sais pas. Alors du coup, on va changer d'univers. On va faire les morts de Harry Potter. Oh, en fait, t'as tout fait pour que je gagne en fait. Putain, j'ai pas vu les deux derniers quoi. Alors, elle est morte dans Harry Potter. Ouais. Bah, Dumbledore. Oui. Les parents d'Harry Potter. Lily et James. Potter. Dis-moi. Hein. Bah, Lily. Sylvain Mirouf. Mais t'es con, t'aurais pu dire James. Non, mais j'avais joué. Je pensais qu'il allait dire. Quand même, hein. Non, je voulais même pas faire un tour, c'est pas grave. Bah, James Potter. Ouais. Ça, je devrais quand même faire au moins deux tours. Ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Mais le pire, c'est que là, pour le coup, j'en ai lu quelques-uns. Donc, comment il s'appelle l'autre là, celui de dans la coupe de feu là. Cédric Diggory. Ouais, Cédric Diggory. Oui. Putain, merci, mais je l'avais pas. Mais le petit Diggory. En fait, j'avais la tête à Pattinson là dans la tête. Hein. Ouais, Robert Pattinson, moi. Rogue. Ouais. Professeur oui. Rogue. Un des grumeaux là, frangin à Ron. Wesley. Un des grumeaux Wesley, ouais. Ouais. Oui, je crois que c'est Wesley. Fred hein. Ou George. Oui, c'est Wesley. Attends, parce que je trouve. Non, ça, c'est 4 ans. Mais il n'y en a qu'un des deux en plus qui meurt, non? Oui, c'est ça. Ouais. Indigo Mambo, ouais. Du coup, le nom? Ah oui, j'en sais rien, j'en sais pas plus que ça, moi. Ah bah non, faut quand même. Bon, bah tant pis. Harry Potter. Oui. C'est vrai, il est mort? Bah, il meurt à la fin. Ah ouais. Ah bon? Je les revois alors. Ouais. Lupin, il meurt Lupin. Dans l'univers, il meurt Harry Potter. Ah bah, à un moment il meurt. C'est pas acté, mais il meurt. Lupin. Oui, c'est le loup-garou. Hein. Ouais. Oui. Mais je sais pas, j'ai pas vu les deux derniers films. J'ai pas vu le 7 partie 1 ni le 7 partie 2 donc. Remus Lupin. Ouais. Il est mort. Bah non, c'est pas marqué en plus. Parce que sa date de naissance. Ah bah il est peut-être pas mort alors. Il est pas mort Lupin je crois. Peut-être il s'enfuit. Attends, je vérifie quand même si c'est pas la date de mort. Si, il est mort. Donc 2 mai 98. Là. Bah alors il est mort. Là. Lestrange, Béatrix Lestrange. Oui. Pour la dernière bataille. Bellatrix. Bah, ouais, c'est une méchante, elle doit mourir. 2 mai 98, tué par Molly Wesley. Molly, la maman. Pardon. Molly, pas Molly. La maman. Molly ouais, c'est la maman. Wesley, la maman de Wesley, ouais. Ah ouais. Putain, badass la maman. Ouais. Sirius Black. Oui. Moi, j'ai perdu, moi. Ah, t'as perdu. Ah merde, c'est déjà re à moi. Qui c'est qui peut mourir d'autre? Bah, Voldemort. Oui. Je le compte, Tom G. Duzor. Tom G. Duzor. Ouais. Maugrey Folloy. Ouais. Là, je vais pas chercher la date, mais c'est bien avant ça. Ça va être 95, un truc du genre. 96. Ouais. C'est dans le 4. C'est dangereux, c'est l'école chez eux, quand même. Ouais, ça fait loin. Hein. Enfin, non, c'est pas dans le 4, mais. Je sais plus. Bah, je sais pas. J'ai pas d'idée là tout de suite. C'est Jean Lefebvre. La bataille, mais. Non, là, je. Non, j'ai plus d'idée. Gérard Majax. Ah bah, on va essayer de reprendre les films d'Arlande. Professeur Quirrell. Oui. Professeur quoi? Quirrell. Le premier vilain celui dans le premier film. Eh ben, sauf que je me rappelais plus de son nom, donc oui. Il s'appelait Quirrell, d'accord. Le professeur de défense contre les forces du mal. Ouais. Qui crève à chaque fois. Bah, ils crèvent tous, ceux qui font les cours de défense contre les forces du mal, de toute façon. Le 4 juin 92. Je sais pas si c'est son nom, c'est Pink. C'est la celle qui est avec Remus. Lupin, là, qui est dans la brigade, je sais pas oui, quoi, là. Oui, oui, oui. Rejoins-nous. Dans la brigade. Ouais, je crois que c'est Pink. Alors, je l'ai pas. Tu l'as pas? Je l'ai pas dans la liste. Sortel 2, elle est pas morte. Mais. Enfin, tu vois de qui je parle. Oui, oui, mais oui. Je sais pas vraiment. Oui, parce que c'est dans le film où il change. Il me semblait qu'elle était tuée. Il switch de corps et je sais plus si elle meurt là ou si elle meurt pas du tout. Mais, oui. Ouais, voilà. Bon, bah écoute, tant pis. Bah, il reste que moi. Il reste que toi, allez, vas-y. Je vais t'en donner un. Alors, dans la liste, j'ai plusieurs personnes le 1er mai 98. Il y a eu bagarre. Voilà. Ah, bah, c'est. Il y a eu bagarre. Hein. 50 défenseurs de Poudlard le 2 mai 98. Ah, bah oui, le défenseur. Plusieurs fidèles de Voldemort. Ah, bah pareil. Oui. Et voilà. Ah, go mal foi. C'est ça. Et on va faire la liste des morts dans Spider-Man 2 Spider-Verse. Ah, bah, ça, on l'a pas vu du tout. What? Ah, je voulais le voir, je l'ai, mais je l'ai pas encore regardé. Levez la main qui sait de quoi on parle. Franchement, tu sais, moi, je peux te les citer les méchants. Bon, mais personne. Plein, mais en vrai, bah, le qui meurt pas. Wow. Il meurt ou pas, le caïd? Non, il est téléporté dans une dimension. Ah, il est pas mort. Bah, j'ai perdu. Il reste pas chez lui. Tous les autres. Je sais pas du tout. Je suis incapable de répondre sur ce sujet. Il y en a qui meurent, moi, je sais plus. Mais il y en a qui meurent dans ce film. Oui. Le scorpion, parce que je sais pas quoi dire. Non. Parce que j'avais. Bah, Parker. Peter Parker, effectivement. Le premier, oui. Et c'est le seul mort. Ah merde. Ah merde. C'est con. Pété Parker. Ah bah oui, mais c'est au début. C'est le premier qui répondait qui avait gagné. Bah oui. Oui, non, mais j'ai cherché vers la fin, mais vers la fin, quand il se bat, il n'y a pas de mort. Non, non, c'est au début. Il meurt à la fin. Voilà, j'ai plus d'autres listes parce que voilà, c'était déjà pas mal. Oh, déjà la dernière, allez, hein. Ça sent l'arnaque quand même. Sinon, je peux vous faire un quiz musical. Essaye toujours. À base de Bon, mais on s'achemine tout doucement vers la fin de cet épisode. Merci à tous d'être venus. Merci à Hello et à Milou de nous avoir accueillis. Oh oui. Dehors maintenant. Allez hop. Dehors les Romano. Je crois qu'on revient le mois prochain, normalement, si tout se passe bien, hein. Déjà, on verra si on est là ce mois-ci. Hein. Voilà. Si vous nous entendez, c'est qu'on est là. Voilà. Je sais pas comment ça s'est passé le mois dernier, mais c'était un beau bordel aussi. Voilà. Enfin, si tu sais, mais. Enfin, si je sais, mais voilà. Cobal doit savoir éventuellement. Cobal doit savoir. Pour une fois. Ouais. Voilà. Mais ceux qui sont présents en direct sont récompensés. C'est voilà. Ça. Il y a pas que c'est mieux que les tipeurs. C'est mieux que les tipeurs. Ah bah, c'est les tipeurs sur Balado, qui, hein. Qui font des jingles et t'as ceux qui sont présents en live. Ouais. La primeur aux tipeurs. Et... on va se quitter sur un cover de Rihanna, Cheers, interprété par Walk of the Earth. À bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Surtout de ceux que vous aimez. Et à la prochaine. Adi Chats. Salut. Ciao. Salut. 1, 2, come on. 3, yes, 5.